Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Jean-Luc Parent sculpte des boules et écrit sur les yeux. Depuis des années, des milliers de boules, petites et grosses, et des dizaines de livres sur les yeux. Est-ce parce qu'il a suivi les cours de l'école boule que Jean-Luc Parent fait des boules ? Fabricant de boules sur les yeux, j'avais inventé ça quand j'avais 25 ans, dit-il, lorsque je voulais absolument non pas être artiste ou écrivain, mais avoir un métier. Je pensais proposer alors un exemple où chacun pourrait au fond inventer son propre métier, ce qui serait plus simple et donc un métier qui n'existerait pas. La maison des parents, Jean-Luc et Titi Parent, c'est le bout des bordes, une maison mais aussi un monde imaginaire, une sorte d'usine mentale, aujourd'hui dans l'Orne, après avoir été longtemps dans la Drôme. Mais en 1977, quand s'y transportait l'atelier de création radiophonique, le bout des bordes était encore dans l'Ariège, son lieu originel, où pendant une trentaine d'années ont vécu les parents, Jean-Luc, Titi et leurs enfants. C'était là que se fabriquaient les boules, les livres, les couples de terre cuite et les horloges d'amour. Pour une plongée dans le monde très poétique de Jean-Luc Parent, atelier de création radiophonique, Transparent, une émission diffusée la première fois le 9 octobre 1977 sur France Culture. Tiens, si on testait ça, tu veux ? La stratégie du madréport, Michel Vacher. Il n'y a rien au début. Que fait donc Parent ? Il ne fait rien, sinon des boules et encore des boules, et des petits dessins et des textes sur les yeux. Les menhirs furent peut-être les miroirs d'animaux étonnés d'être debout ensemble. Les boules de cire de Parent sont des pseudo-unités agglutinées, des yeux des déchets, des homoncules ayant égaré leurs prérogatives. Rondeurs noires d'anciens foetus levées à la place du regard. Il n'y a pas d'orbite pour l'encastrement ou la gravitation. On s'est endormi pour mourir. On meurt pour s'emparer de l'agonie. Et l'absence d'éclosion simule un faux mystère. Tout cela fut gros d'aventure. Une boule de cire atteste la monstrueuse dérive individuelle de l'espèce, la fabuleuse solitude du chiffre 1. La boule est un chiffre sans prédécesseur ni successeur. Le 1 contrefait, la facture individuelle de l'unité, sa forfaiture. Une boule est un point archaïque, l'image obscure du corps qui ne connaît les différences et le reste que par lui-même. C'est la dissymétrie absolue et son échec pour la saisir. Par le 1 plus 1 plus 1 plus 1, etc., le 0 se réassure dans l'infini d'une liquidation identitaire. Mais c'est aussi l'occupation indéfinie qui abandonne le faux infini de l'occupant et l'unicité des tâches, des mots et des gestes. La réitération monotone des boules signifie que le déchet est reste et que le reste est déchet en un jeu insaisissable, qu'il est possible de déserter ses mains et son cerveau, de mystifier l'imposture, en affirmant, sans rien démontrer, que les pareils ne sont jamais pareils. Tumuli de la mémoire et oubli. Vide de l'État. À l'origine des boules, des bonshommes dessinés. Parent dit encore qu'elles sont un tableau qui se serait effondré. Double effondrement d'une perspective et d'un corps. Chaque boule est donc un bout de miroir évanoui, le fétiche d'un fantoche, où le regard et l'œil, la main et la patte, la pensée et son support se sont confondus. Souvenir d'une civilisation qui disparaît, homoncule. Jean-Luc Parent, la boule que tu as, il faut l'exposer dans le noir, le plus total. C'est d'ailleurs là qu'elle se conservera le mieux, et peut-être des millénaires. C'est bien dans le noir le plus total que ces boules peuvent encore produire la lumière, fragiles comme des têtes épuisées d'art et de travail, droguées par les mots et les bruits. Le moncule est là pour être regardé et caressé. Le mannequin est là pour séduire et convertir. Une vieille connivence rapporte encore. Un défi retombe. Les boules de parents, en un sens, sont à Beaubourg ce que la langue est à la bouche et l'eau au récipient. Elles scintillent aussi d'un tel savoir, d'un tel destin. Elles n'en sont ni plus ni moins admirables. Chaque boule est un point désœuvré, un cher point du monde. Le méfait d'une méga-machine produisant n'importe quoi, sa propre facture. Une routine à garde mimant la saveur du vieux monde. Hideux trésor pour l'ornement d'une cité zombie. Le tas de boules, l'amas, le 1 plus 1, est la vérité et la stupidité de l'accumulation. La parodie du capital et la nostalgie d'un corps. Concrétion intermédiaire. Pas de différence productrice, mais une indifférence surprise. Une répétition d'ailleurs malicieuse, une beauté et une inanition. Les textes sur les yeux racontent la même histoire incroyable, avec la même stratégie du madréport. ACR, Atelier de création radiophonique. Atelier de création radiophonique. Transparent. Par René Farabée. Assisté de Marie-Dominique Arrigui, Marie-Ange Garandeau, Claude Giovannitti, Viviane Vandenbroek. Collaboration technique, Monique Burguière, Yann Parentouel. Le 9 octobre 1964, Jean-Luc et Titi s'embrassaient pour la première fois sur la bouche. Jean-Luc Parent, la joie des yeux, recette pour faire des boules, journal du bout des bordes. Titi, horloge d'amour. Alain Borer, Michel Butor, Michel Camus, Jean Clarbou, Gérard Durozoy, Patrick Garcia, Jean-Marie Le Sidaner, Bernard Noël, Georges Rayard, Michel Sicard, Michel Vacher. Barthes, Dubuffet, Velter, Duo, Lascaux. Jean-Luc, Titi, Marisol, Sibylle, Quéquette, Loriot. Transparent. Je nous revois une nuit, couché dans l'herbe devant chez lui, en train de regarder le ciel étoilé et puis de guetter les étoiles filantes. Il faut vraiment aller là-bas pour comprendre son travail, si on peut parler de travail, parce que c'est pas. Dans la commune de Cerisol, dans Mariège, il y a le village et puis quelques fermes isolées, pas mal de fermes isolées, des hameaux. Essentiellement agricole, élevage et l'agriculture, enfin la culture, le blé, le maïs. On ne le voit pas, le temps n'est pas clair, mais c'est. À vol d'oiseau, c'est pas tellement loin, les Pyrénées. Il a un tampon où il dit qu'il est fabricant de boules et d'yeux, et de textes sur les yeux. Il se nomme lui-même fabricant de boules et de textes sur les yeux. Je prends les lettres, je ne tâche pas d'importance à ces tampons. On est là pour ça. C'est un client. C'est gentil comme tous les autres. Quoi. Il dit que le bout des bords, c'est le lieu des boules. C'est dans une très grande grange. Et elles sont appuyées en oblique contre il y a un éboulis, mais très haut contre le mur. Et ça s'éboule jusqu'au ras de l'entrée de la grange. Et on voit jamais de grange comme ça. En même temps, c'est très, très familier. Elles sont bien là, quoi. C'est tout à fait normal. On ne peut pas leur donner d'âge. C'est la couleur des boules qui est hors d'âge. C'est-à-dire, c'est à la fois noir et gris, ni l'un ni l'autre. C'est un peu terreux, sombre. C'est un morceau de nuit qui est tombé par terre. Et un éboulement, quoi. Et puis il y a le ciel au-dessus, quoi. Enfin, avec... Enfin, j'ai vu Jean-Luc faire des boules au bout des bornes. Tous ceux qui passent chez lui en font aussi, en dépôt, comme la trace d'un passage. Et vraiment, c'est un travail sans problème esthétique, sans problème formel. Ça tient de la cuisine, ça passe par plusieurs stades. C'est très, très passionnant, parce que ça passe par le stade liquide. Le gluant est liquide et ça se refroidit, ça se modèle, ça se refroidit et ça durcit progressivement. Attends, je vais mettre combien de temps pour une boule? Je vais mettre 6 pains de cire. Voilà. On a qu'à la laisser cuire comme ça 20 minutes. Je prends un peu la bassine parce que sinon ça arrive. C'est une vraie cuisine, hein, tu dois te dire. Et pour fabriquer une boule de 20 à 25 cm de diamètre, il faut du feu, une marmite, une table en bois et une plaque en fonte, du papier journal et de la toile de jute, ou mieux un mètre de grillage, un marteau et 6 à 8 pains de cire Luna à cacheter les bouteilles, dont 4 ou 6 en noir et 1 ou 2 en jaune et rouge, puis 2 œufs, une ou 2 spatules, un piège à taupe ou tout autre piège ou pince, un couteau, de 20 à 60 cm de corde, un quart de poupée de filasse de chanvre et un quart de cisale, une bonne bassine d'eau froide ou mieux être à proximité d'un robinet, une brosse en fer pas trop dure, un fer à souder et un boulier pour compter. Mais il faut aussi fermer les yeux de temps en temps afin de pouvoir toucher sans que la vue vienne détourner les mains. Il faut baisser les paupières afin de sentir notre peau nous recouvrir entièrement et pouvoir palper avec tout notre corps dans la nuit la boule sous nos doigts, dans le jour, jusqu'à ce qu'elle se marque de toutes nos empreintes et que son enveloppe soit la nôtre et que tout notre sang l'emplisse, que toute notre chair en déborde. Et il faut fermer les yeux et pétrir la matière jusqu'à y faire entrer toute notre obscurité, y mélanger nos doigts, nos mains, nos bras, nos paupières, notre sexe, y mettre tout l'aveugle que nous sommes, nous vider de toute la terre que nous contenons, jusqu'à ce que la boule soit pleine de nuit et que, ouvrant les yeux à nouveau, il fasse noir. Il faut toucher, tant toucher que la nuit vienne empiéter sur le jour et palper ainsi jusqu'à ce que les yeux ne puissent plus s'ouvrir et qu'ils soient aveugles, voyants, fermés, ouverts et ne plus s'arrêter, toucher jusqu'à en perdre les yeux, jusqu'à en allonger démesurément ses bras et avoir des mains dont les paumes pourraient recouvrir la terre tout entière jusqu'à pouvoir la saisir d'une poignée et la soulever jusqu'à lui faire frôler le soleil et que tout prenne feu dans le vide jusqu'à nous éblouir. Et toi, pour faire une boule, il faut un morceau de grillage comme ça, qu'il faut mettre en... Comme support? Ouais, comme support, il faut mettre en boule, quoi. Ah, merde, elle coupe plus cette pince, parce que... Comme il pleut dans... Comme il pleut dans l'atelier, maintenant, tout est rouillé. Voilà. Une boule en grillage, toi, c'est comme le noyau, quoi. C'est... Il faut bien la tasser parce que la cire après passe dans les trous, non. Voilà. On va attendre que la cire soit prête, là. Enfin, normalement, d'ailleurs, c'est Titi qui fait du support. Mon cher Jean-Luc, les anciens habitants d'une île de l'Océanie, que j'invente pour les circonstances, racontaient que le démiurge, après avoir médité pendant quelques millénaires dans sa caverne de nuages, vit passer sur les grèves du ciel un animal à crinière assez semblable, selon leur description, à celui que nous, continentaux, nommons cheval. Intrigué, séduit, il se mit à le poursuivre, réussit à sauter sur lui, empoigna ses crins. Il ne se lassait pas de les tordre et les enlaçait autour de ses poignets, même pour dormir. Un matin, l'animal avait disparu. Il ne restait plus que deux bracelets. Nouvelle poursuite, mais vaine. Le démiurge sentit pour la première fois couler ses larmes qui s'accrochèrent aux tresses comme des gouttes de rosée. Vint alors la reine des abeilles lui demander conseil au sujet d'un grave différend survenu à l'intérieur de son essaim. Quelques paroles suffirent à tout calmer. En remerciement, elle lui fit remplir ses paumes de cire. C'est alors qu'il eut l'idée d'en serrer ce qui lui restait de la prestigieuse crinière dans une larme permanente qu'il modela à la semblance du soleil grâce à quelques flammes prêtées par celui-ci. Il en brûla ses mains. Tout son corps ruisselait de sueur. Toutes les cendres éparses dans l'univers vinrent s'agglomérer à ce germe qui devint obscur et se mit à tournoyer sous son regard ravi. C'est ce globe de nuit que nous appelons le soleil, lointaine ombre de celui qui continue à l'illuminer. Puis, de tous les débris que les mers de là-haut jetaient sur leur plage, il pétrit d'autres pains obscurs qu'il fit graviter autour du premier-né. La vapeur de son souffle y provoqua des taches liquides au bord desquelles il aperçut, lancé à la poursuite d'une crinière phosphorescente, un bipède qui bientôt reproduisit à sa mesure, l'un après l'autre, tous ses gestes. Seule sa vue divine put découvrir alors sur ces boules qui s'amoncelaient tous les prés, forêts et populations, tous les baisers, larmes et brûlures, tous les yeux dont leur artisan rêvait en les modelant, imperceptibles à sa veille. Ce qui le remplit des murges d'un tel émerveillement qu'il se renferma en méditation pour des millénaires. Michel Buteau. Attends, peut-être qu'on va mettre l'œuf. Je sais pas si je veux. Attends. Peut-être en mettre deux. Attends, je les garde les coquilles. Attends, pardon, je vais la mettre là. Attends, voilà. Ça, c'est comme une omelette, quoi. Non, faut pas que je la rate, cette boule, parce que... Toi, il y a encore un morceau de cire qui est pas cuite. Attention à toi, parce que ça, quand je mets l'œuf, ça boue un peu. Attends, un peu que je le rate, parce que... C'est incroyable la réaction de la cire et de l'œuf. C'est... Qu'est-ce que la cire ? Ça a l'avantage d'être un objet du monde courant et un paradigme philosophique. Elle est ce que précisément Descartes refuse et traverse pour faire apparaître l'objet scientifique. Un morceau de cire, voici l'objet empirique par excellence, change d'aspect, de forme, de couleur. La cire pour parents désigne les tâtonnements insanes, ce qui est le refoulé de l'objet occidental. La main parentale reprend à son compte le trajet initiatique de la matière. Elle accompagne les changements d'état. Enfouissement des mains dans une pâte qui colle au doigt, matière sale, louche, toujours composée, bâtarde, qui s'affale, qui n'en finit plus de retomber sur elle-même, coule, roule, se solidifie un instant à une concentration hasardeuse. Aujourd'hui, le... Il faut travailler très vite parce que comme ça, ça sèche tout de suite. Tu sais, c'est long, hein, ça. Attention à toi parce que. En fait, tu plonges la filasse dans le. Dans la cire. Ouais. Chaude. Et ensuite, tu l'enduis sur le grillage. Ouais. La boule, ouais. Le grillage. C'est le support qui disparaît dans la boule, qui est recouvert, qui est enroulé, qui est dévoré. En effet, cet amas recroquevillé de grillage qui sert de centre boule, qu'est-il sinon. Le dernier effort de la toile pour retenir la matière. La toile du tableau est devenue grillage. Les mailles se sont distordues, se sont durcies, armées jusqu'aux dents, mais elles ne retiennent plus rien. De la toile ou du filet au grillage, le support est dissous. Et ce qui sous-tend communément le travail et l'art, Marx parle de la toile comme l'objet emblématique du travail dans le système du capital. Ce qui soutient le social et le symbolique se défait. La matière roule sur elle-même, se referme sur ses propres limites. Chaque boule est unique, non sérielle. Le support est boulé, la toile défaite. On peut laisser la trace de cet étrange jeu, remettant alors sur les fenêtres ouvertes du support de la filasse et par les petits fils qui dépassent, on marque ainsi l'entrée du labyrinthe. Qu'est-ce que tu fais? Tu la pétris dans tes mains? Bah oui, tu vois, je la plotte, quoi, exactement. Là, je peux faire même des boules complètement écrasées, quoi. Bon, attends, je vais faire une ouverture, là. Avec ça, de la corde. Ah oui, tu veux qu'elle soit mâle ou femelle? Parce que, tu vois, si... Si tu veux un mâle, alors à ce moment-là, l'ouverture va être... il va y avoir beaucoup plus de petits trous, quoi. Ça va avoir la forme d'un gland. Alors que les femelles... sont d'ailleurs, les femelles sont les plus grosses. Tu vois, elles font tout le tour, quoi. L'ouverture, c'est tout. Je vais peut-être faire... Une petite chatte, quoi. Enfin, ou un œil. Un œil, oui. C'est vraiment très rudimentaire. Hein. Enfin, tu vois, d'ailleurs. Tu vois, ça, c'est un piège à taupe. Enfin, ça me sert de pinche. Je trempe la corde, là, dans la cire. C'est très vite fait. Attends. très curieux ce tir d'ailleurs parce que. Plus on la touche et plus elle refroidit. Quand c'est posé dans un musée, de quoi ça a l'air ? C'est pas du tout comme au bout des bornes, quoi, mais c'est. C'est questionnant. C'est un point d'absurdité aussi, c'est absurde, ça n'a pas de sens. C'est rond, ça. C'est-à-dire que. Ça peut salir, toi, parce que ce sont des choses qui collent comme ça aux mains, qui. C'est un peu pégueux. Puis c'est sale, quoi. Puis c'est par terre en plus, ça attire la poussière. Tu vois, ce sont pas des choses exposables en définitive. Et puis en plus. En fait, c'est pas des sculptures. En fait, c'est pas des œuvres d'art, quoi, pas du tout, puisque on les prend et on se salit les mains. Mais vous vouliez représenter quelque chose ? Ah non, pas forcément. Non. Représenter quoi ? Ouais, peut-être dans le fond. Ouais. Mais ces trous, ça représente quelque chose pour vous ? Ah, les trous ? Des diamètres différents. Non, ce sont comme des. Pour respirer. Les boules, elles respirent par les petits trous. Mais ces boules, qu'est-ce qu'elles représentent ? Ça peut être le soleil. Ou alors la terre. Ou la terre, oui. Ou les yeux. Pourquoi vous ne savez pas nous dire qu'est-ce que ça représente pour vous ? Je sais pas comment dire. Je sais pas parce que c'est pas tout à fait la terre ni tout à fait le soleil, tout à fait des yeux. Qui vous a donné l'idée de faire ces boules? Ah, c'est une idée comme ça. Bah, c'est pas une idée. Non, je faisais des tableaux comme ça qui et puis c'est des tableaux qui continuaient. Alors j'ai été derrière. Le tableau. J'ai peint dessus, mais j'ai aussi peint derrière. Devant et derrière. Et puis, c'est devenu des boules, quoi. Et puis sur les côtés aussi. En fait, c'est comme des tableaux, quoi. Ouais, une boule, c'est toujours quelque chose qui roule, qui tourne, qui avance, qui se projette. Qui évolue. Oui. Vous croyez beaucoup en vos boules ? Ouais, je... Non, mais je crois qu'en ça, d'ailleurs, parce que sinon... c'est la fin du monde, s'il n'y a plus de boules. Mais je crois que tout est des boules. Je crois que tout est compris dans une boule. Ouais. Continuez-vous toujours à faire des boules ? Ouais. Bah oui, parce que je sais pas faire autre chose. Vous vivez qu'avec vos boules ? Ouais. Quoi ? Oui, mais les boules, il les garde chez lui, ça prend pas de la place, les grosses boules comme ça. Ah si, ça prend de la place, ouais. L'éducation au niveau tactile, prend beaucoup. Toucher. Ah oui, non, oui, mais c'est surtout ça, oui, c'est pouvoir toucher comme ça tous les jours quelque chose. Hein. Pouvoir se. Pouvoir faire la nuit soi-même, de temps en temps. Il suffit de toucher, en fait, pour ne plus voir. Faire des boules, c'est un peu comme chercher le sommeil. J'aurais aimé être aveugle, dans le fond. C'est vrai. On aurait eu besoin de nous apprendre... à être aveugle, enfin, tu vois, à vivre dans des lieux obscurs. En fait, on nous a jamais appris à toucher. Et... En fait, ces boules ici sont grotesques, puisqu'on n'a pas le droit de toucher. Il y a même un type, l'autre jour, un gardien qui a fait une réflexion à une fille parce qu'elle touchait une boule. Ça m'a fait rigoler. Je trouvais ça. Oui, alors que c'est vraiment quelque chose qu'il faut toucher. Il n'y a pas de problème. Tout toucher d'ailleurs. Et il faudrait même pas voir. Toi. Attention, tu es en train de boucher l'œil là. Ah non, non, non, non, parce qu'après je. Non, c'est juste pour le. C'est pour qu'il soit bien solide. Ça te va bien. Après, avec les. Non, non, je le bouge, tu vois, comme ça, mais ensuite, je vais... C'est que ça garde les, toutes les empreintes, enfin, les empreintes de la table, de, même de l'outil, si tu vois, si je la pose sur l'outil ou sur la casserole. Hein. Et au fond, ta signature, c'est peut-être les empreintes digitales. Ah ouais, oui, de mon pull-au vert aussi. Tu vois, elles ont tous des traces de pull-au vert. C'est brûlant, hein, là. Normalement, je les passe sous le robinet. Parce que... Comme ça, elles sont tout de suite comme figées, quoi. D'ailleurs, je vais y aller au robinet. Enfin, une fois terminé, je courrai au robinet portant la boule, poussant la boule brûlante dans mes paumes, sous mes mains, et je passerai la boule sous l'eau qui se momifiera instantanément, conservant tous les trous, toutes les bosses que je lui aurai données jusqu'aux moindres empreintes de tout ce qu'elle aura frôlé, touché, roulant dans mes mains, sur la table, contre mon corps, et la nuit se figera sur elle, en elle, le jour ne se lèvera plus, la terre ne tournera plus, où c'est que le soleil l'emplira, et que son volume ne sera fait que de feu, que la terre recouvrira, et les mains se poseront comme sur une nuit immobile, les yeux y entreront comme dans un jour sans fin. Ça, c'est fini. Il n'y a plus qu'à faire les petits trous. Ah, mais c'est dur. Ah, bah ouais, avec l'eau, c'est formidable. Hein. Ça sèche tout de suite. Et elle pèse combien? Voilà, attends. Oh, 3 kilos. 3 kilos, quoi, à peu près. Puis alors maintenant, il y a des petits trous. Il y a des petits trous, ouais, il doit y avoir. Je sais pas. Est-ce que je les compte aussi? Alors. Voilà, attends. Alors, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et les boules à base de cire Luna a cacheté les bouteilles ont des milliers de trous dont chacun émet une lettre. Et chaque boule porte un texte dont les lettres sans ordre et en mouvement pourraient composer une infinité de textes. Et il me semble être devant un livre ouvert où chaque page serait une boule qu'il faudrait tourner et retourner dans ses mains. Et je suis en train de lire un livre que la nuit ne peut effacer, où le lieu des lettres reste toujours palpable. Un livre en tas monumental dont le désordre le plus inextricable en est l'ordre des pages. Et les boules sont comme un livre sans début ni fin que l'on pourrait ouvrir. Ouvrir à n'importe quelle page, à n'importe quelle boule. 39, 40, 41, 42, 43. Voilà, 44. Voilà, tu vois, maintenant je vais lui marquer ça au cul. Tu vois, je vais graver ça ici, là, 44, en chiffre romain. 44, X. Bon, une fois que ça, elle sera froide, je la gratterai, tu vois, parce que là, elle est brillante et tout ça. Alors j'enlève la pellicule, tu vois. Ça, non, on voit pas parce que c'est encore chaud. Mais... Et alors tous les plis ressortent, toutes les choses comme ça, toutes les aspérités. D'ailleurs, elle est poilue, la tienne. C'est une belle... Une belle petite chatte. Elle a un nom? Il faut que je vois dans mes listes parce qu'elle porte des noms qui sont formés des trois mots terre, tête et yeux. Alors, les lettres sont bouleversées à l'intérieur. Ce qui fait que je peux faire d'ailleurs une infinité de boules. Parce qu'il y a une infinité de... Je peux avec ça, avec cette formule, trouver une infinité de noms. Et alors, elle s'appellera choses comme ça. Comme si je pouvais m'appeler Jeannecule Rampa ou Katepna Lunar et être une boule qui pouvait contenir toutes les autres. Et les boules de fabrication récente n'en sont pas moins très âgées et arrivent du fin fond des temps. Donc des précautions sont à prendre quant à leur manipulation et conservation. Et les boules ne roulent plus à moins de les pousser. Elles craignent les moindres chocs, la lumière trop intense, l'humidité répétée et le contact du feu. Il vaut mieux même éviter le contact de toute autre matière qui ne soit pas peau ou chair. Mais elles peuvent se conserver des millénaires dans l'ombre ou dans des endroits ni trop froids ni trop chaud, comme les grottes, les cachots, les dépôts de musées, les placards ou les fonds de couloirs. Alors, elle s'appellera Oui, elle porte des noms. Une petite muette ou une grande bavarde ou une récitante. Comme elles correspondent à des textes, elles murmurent. Un texte, ces textes sont muets aussi, ne disent rien. Ils renvoient peut-être à cette boule, qui est l'autre forme, le côté nuit. Le texte qui est écrit dans le jour correspond à son envers, à sa doublure, qui est la boule, qui est son côté nuit. Si, comme Jean-Luc Parent y fait allusion quelque part dans ses livres... Le livre est sacré, le livre doit révéler, c'est imprimé, ça se présente comme un livre. Et pourtant, je ne dirais pas que c'est illisible, non pas parce qu'il n'y a rien à lire, mais parce qu'il n'y a pas à lire ce qu'on attend véritablement de l'objet livre. Parent est tout à fait conscient de ce problème lorsqu'il... insère des textes dans ses boules. La boule bibliophage est notre autoportrait, notre tête à bouffer des mots. Elle est aussi la blessure ouverte de notre infinité. Ce sont des textes qui sont là, qui sont donc pratiquement illisibles. Enfin, on entrevoit des morceaux comme cela, et ils sont inclus dans des boules. Le livre commence à se démantibuler un peu, il peut s'insérer partout, un peu comme... L'écriture de Parent peut s'insérer dans la vie quotidienne, elle déborde très largement, en profondeur, le lit que constitue la page. Ces boules noires semblent mortes et obscures, elles ont l'air des boules de l'origine, certaines d'entre elles sont ficelées. Il y a une boule bibliophage, il y a un livre dedans, et puis après elles sont ficelées dans cette même matière. Et ces boules ressemblent à presque à une tête de momie égyptienne. Je suis une boule échappée de l'univers, une planète. Mes petits points sont des extraterrestres morts. Je suis vide et morte. Quand tu m'écoutes, au début tu entends comme la mer. Moi, je suis un monstre. Je viens d'un univers en fer, mais je suis qu'une boule qui a roulé toute une éternité. Toutes les boules qui sont autour de moi sont toutes différentes. Je suis une boule muette, je m'appelle Roule Toujours. Mon maître m'a fait dans le silence et dans la lumière. Je suis une boule à trous, je te parle, je t'espionne, j'écoute tout ce que tu dis. Elle m'a dit bonjour et elle m'a dit aussi je parle. Pourquoi les boules parlent ? Oui. J'en sais rien, ça vient comme ça. Mais là, je me rends pas compte que vous êtes en train de me poser des questions. C'est-à-dire que je prends pas conscience qu'il faut que je vous réponde. Ça n'a pas d'importance. Oui, mais j'ai jamais envie de répondre aux questions. Oui. Je pense toujours que je peux m'en aller. Oui. Que vous pouvez vous en aller où ça? Oui, c'est drôle. Mais que je peux m'en aller, là, vite. Oui. En courant, et puis tout abandonner. Oui. Et puis ce sera fini. Oui. Mais je le fais pas. Mais non. Parce que si je le faisais, en définitive, je pourrais plus ni écrire, ni faire des boules, mais je planterais des choux. Oui. Quelle est la relation entre le chou et la boule? J'aime beaucoup le chou. Oui. Bon, enfin non, je dis n'importe quoi, mais Enfin, je m'attendais d'ailleurs à ne pas pouvoir répondre. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que je réponds pas. Mmh. C'est parce que je m'attendais tellement à ne pas pouvoir répondre que je réponds pas. Oui. Et après une boule, il n'y a plus rien que du vide ou une autre boule. Et si nos yeux sont ronds, c'est pour qu'il n'y ait plus devant eux et une fois projetée devant nous, qu'un espace infiniment grand qui ne puisse nous mener qu'aux courbes d'autres sphères, qui ne peuvent être que celles d'autres yeux ou de la terre et du soleil. Et tout autour d'une boule, il n'y a que des trous de vide infinis, parce que la sphère ne se pose que dans l'air comme si elle avait des ailes qui battaient dans le vide et qui prenaient appui dans le ciel. Et toute caresse suit une courbe qui nous mènerait au bout du monde et à en faire tout le tour si l'on se laissait aller à ne plus s'arrêter et à continuer à caresser jusqu'à tout arrondir, et les mains ça sert à tout faire rejoindre et à tout faire étreindre, et l'univers est blotti entre deux paumes immenses sous le regard d'un œil infiniment éloigné, et tout mouvement des mains est un mouvement qui tourne tout autour de la terre, et si l'on remue les doigts et si l'on bouge les mains, on ne fait plus que des cercles et l'on ne dessine plus que des sphères et l'on ne forme plus que des terres et que des yeux et que des têtes. Il n'y a pas une fissure par laquelle ces boules ne s'insinuent. Elles sont là. C'est pour ça que je n'en ai qu'une. Un éboulement de boules, il dit quelquefois. Ben oui, je sais ce qui s'éboule. C'est pas les boules. Les boules font tout ébouler. Et si je me laissais faire après cette première boule qu'il m'a donnée, comme un appât, il pensait que j'en aurais puis deux, puis quatre, puis cinq, puis trente, puis 3000. Et jusqu'où ça va s'arrêter, là? Et puis un beau jour, je ne pourrai plus entrer chez moi. Parent, il sera avec ses boules. Et la sphère est jusqu'à la fin du monde et se trouve sur une ligne infinie qui traverse les cieux. Et si l'on commence par en faire surgir de ses mains, on finit par l'emprunter et par y rouler jusqu'au bout sans ne plus pouvoir la quitter. Car la boule est le seul volume qui, sitôt fait, en demande un autre et l'autre, un autre et l'autre de l'autre, un autre et ainsi de suite jusqu'à l'infini. Et la boule, il faut la multiplier parce que toute seule, elle ne peut pas exister. Reproduction de la reproduction, variation de la reproduction, reproduction de la variation ou repro et varie. Finalement, c'est kiff-kiff. Les boules se mettent à rêver d'être l'autre, l'autre boule, ce rien hors d'elle qui les hante et qu'elle voudrait pouvoir habiter. D'où la prolifération dans l'espace, le procédé de répétition, en même temps que les boules brûlent leur représentation. Et ce processus de génération et dégradation, il engendre le même et la variation, non pas l'histoire, mais le romanesque. Thank you. prend des matières, c'est-à-dire de la cire à cacheter, des pains, et alors il en met des noirs, des jaunes et des rouges. Alors cette couleur disparaît quand il la fait chauffer et bouillir, et alors il la brasse. De la même façon, dans les textes, il prend le langage et il le brasse. Et alors, pour la cire, il chauffe et il brasse avec un bâton, n'importe quoi. Et le bâton, pour le texte, ça serait la façon qu'il a d'utiliser la syntaxe, c'est-à-dire une façon tournante. Il tourne les boules et il tourne ses textes pour les faire rouler, pour démolir quelque chose, pour bousiller. Alors bousiller, ça serait le travail du bousier, c'est-à-dire ce petit insecte qui roule sa boule, c'est-à-dire qui transporte son œuvre. Son œuvre, ça serait ses excréments, c'est-à-dire le reste d'un geste. Alors le geste des boules, où tout est mis en question, la main, l'œil, la peau, mais le corps aussi. Un corps martyrisé, mis en boule. Et alors, ceci se passe aussi dans les textes. Tout est mis à la question, c'est-à-dire torturé, réduit en boule. Et ce travail est accompli là par le mot « yeux ». Non pas l'œil, mais l'yeux. Alors cet œil-là, ce « yeux », avec le Y majuscule, prend tout en compte et en calcul aussi. C'est-à-dire qu'il lui fait parcourir le monde et il lui fait manger le monde. Et il est bousillé, il est détruit, et il reste. Et voilà, c'est cela le texte de Jean-Luc Parent. Un reste, c'est-à-dire un étron sur la page, une coulée noire, comme si il n'écrivait plus. C'est pour ça qu'il y a un problème, savoir si Jean-Luc est un écrivain. Il l'est plus, c'est-à-dire qu'il macule sa page avec ses signes noirs. Et ce qui l'intéresse, c'est pas tellement les problèmes de l'écriture, ça serait remplir la page. D'ailleurs, si on regarde la façon dont il tape ses manuscrits, la façon dont il écrit ses brouillons aussi, il n'y a pas de marge. Tout est maculé. C'est plus des inscriptions, c'est des graffitis, mais il salit. Comme ça, je corrige pas. Tu vois, je peux pas corriger, quoi, parce que j'ai pas la place de corriger. Enfin, c'est plein, quoi. Parce que s'il y avait des marges, la marge permet de revenir. Ce qui fait que comme ça, je peux plus revenir. Donc, je suis obligé d'écrire. Je pourrais pas avoir un blanc parce que les yeux envahissent tout. Quoi. Ouvrant les yeux, je vois la page, donc j'emplis la page. Ça prolifère, c'est une oscillation qui prolifère, qui germe, qui produit. Voilà. Comme un bacille qui se reproduirait par division. Voilà. Un bouillon. Et alors sur ce bouillon, il y a les yeux, quoi. Il y a les yeux qui font des bulles ou des boules, des choses comme ça. Une espèce d'effervescence de l'œil, comme un caché dans un verre d'eau qui est effervescent, disparaît quand il a produit ses boules. Mais lui, la disparition est infinie. Et la disparition passe par le trou de l'œil, ce blanc, blanc de l'œil, quoi. Comment vous êtes arrivé aux yeux ? C'est une question un peu embêtante, parce que depuis tout à l'heure, je me demande ce que je vais vous répondre, d'ailleurs. Oui. Mais je ne pensais pas que vous alliez me poser ça, parce qu'en fait, je ne m'en rappelle plus très bien. Et puis, je crois aussi que je n'ai jamais rien commencé. Oui. On ne peut pas ne pas apercevoir le rôle très actif qui tient un petit mot tout à fait ordinaire, enfin, qui est la conjonction de coordination « et ». Tout texte de Parent est ainsi une espèce d'accumulation de fragments simplement coordonnés, exactement comme les éboulements sont une accumulation de boules qui au départ ont été fabriquées de façon isolée. Ce qui fait sens, ou ce qui aiguille le lecteur ou le spectateur vers une possibilité de sens, c'est la mise en tas, la mise en masse. Et le tas, c'est précisément la terreur de la philosophie classique. Le tas, c'est l'indénombrable, le sans-ordre, le sans-forme. Alors, de telles activités sont plutôt une espèce de bricolage. Et ce bricolage renvoie, peut-être, secrètement, à ce que Lévi-Strauss a appelé la pensée sauvage. Comment se fait-il que jamais personne n'ait écrit de cette façon-là, ou jamais personne n'ait modelé des boules de cette façon-là? Dans la boule, on retrouve des formes rondes, des formes matricielles, on retrouve le fœtus, on retrouve le ventre rond de la mère, mais on retrouve aussi l'œil, on retrouve aussi la bouche. C'est tout un enfoui qui s'affronte à notre regard. Ce qui revient à dire que ces objets et le langage qui s'y attache ne peuvent effectivement que bégayer. Ils ne peuvent que bégayer une langue qui n'est pas encore domestiquée, une langue qui n'est pas encore censurée. Un ensemble de choses non encore dites. Donc, une espèce de refoulé. Un non-dit qui est pourtant essentiel, qui est pourtant radical. On ne peut pas considérer la boule, mais évidemment les boules, comme la question de l'amas. L'amas en termes astronomiques, naturellement, ou bien le toton du théâtre de la pulsion enfantine. Mais l'amas, au sens où, peut-être de façon occultiste, cela rejoint une autre détermination qui est comprise même dans la question de la boule, c'est-à-dire la grande boule, je veux dire la Terre elle-même. Alors, la question de l'amas, ça ne peut être qu'un rapport au corps. On peut chercher à savoir si c'est de type schizoïde ou psychotique. Je crois que c'est pas très intéressant, parce que ça ne rendrait pas compte d'abord de la qualité du travail et de sa portée réelle. C'est-à-dire que l'amas, par exemple, je le verrais dans des images qui me semblent très fortes, comme le panier Dieu, par exemple. Vous savez, le chef des militants croates, Ante Pavelić, réclamait des nationalistes croates chaque jour un panier Dieu de Serbes. Imaginez seulement ce panier Dieu, attendu naturellement qu'il ne faut pas mettre tous les yeux dans le même panier, et vous voyez aussi par exemple un tiroir du musée Grévin dans lequel on a une collection de dieux qu'on peut mettre indifféremment sur tous les visages de cire. Ou bien j'ai retrouvé quelqu'un qui avait compté le nombre de fois où on entend le mot « œil ». Dans Racine d'Andromaque, eh bien, on l'entend 165 fois. Je veux dire, sans doute qu'il y avait une élaboration secondaire dans le texte de Racine, et que c'est peut-être comme ça, peut-être un refoulé plus général encore, qui émerge dans les travaux de Parent. Donc, on peut, semble-t-il, identifier là à la fois la question de l'ama, comme désir ou pulsion de saturation, et à la fois donc nécessité de reproduction, et localiser cette reproduction en dehors même de la fonction de l'œil ou de la boule. C'est-à-dire que Parent manifestement détourne les yeux de la simple fonction visuelle de l'œil. Je pense toujours aux yeux, quoi, sans cesse. Tu vois, et trouvant un oiseau mort comme ça par terre, je me suis dit, mais un oiseau, quand il est allongé, il est mort. Le contact de tout son corps avec la terre le fait mourir. C'est comme un arbre, d'ailleurs. Un arbre qui est tombé à terre, comme ça, aussi, donne une chose étrange, une impression étrange, enfin, parce qu'un arbre ne se couche pas sans être mort, enfin, comme l'oiseau. Est-ce que l'arbre aurait des ailes qui pourraient pénétrer la terre, enfin, dans l'autre sens, enfin, est-ce que ça serait des ailes pour voler dans la terre? Et de là est parti un texte sur les ailes, en fait, sur le vol, puisque et sur les yeux, d'autant plus, comme si l'oiseau ne pouvait pas s'allonger, ne pouvait pas se coucher à terre sans trouver la mort. Et si on avait des ailes, en fait, on ne pourrait pas toucher la terre. En fait, c'est ça. Et un oiseau, c'est un corps qui ne peut pas ne pas voir. Et parce qu'il ne peut pas se coucher. Il dort debout. Et je crois que si on arrivait à dormir debout, on s'envolerait. Et c'est la vue intégrée au corps. Enfin, les ailes, c'est la vue intégrée au corps. Et ce qui est étrange, c'est que vraiment les yeux volent. Enfin, ce sont vraiment des ailes. On voit, mais on vole. On vole et on emplit, d'ailleurs. Ce sont des ailes absolument immenses. C'est un déploiement démesuré. Et on emplit le ciel. On voit le ciel, quoi. On a des yeux depuis que le ciel existe. Vous ne savez pas comment vous en êtes arrivé là ? À écrire des textes sur les yeux ? Oui. Si, il y a longtemps que les yeux me fascinent, mais... Mais j'ai toujours parlé des yeux. Vous avez toujours parlé des yeux, mais vous n'avez pas toujours parlé de la même façon des yeux. Comment les yeux vous sont-ils apparus ? Quels sont les premiers yeux que vous ayez vus ? Ah ben c'est ceux de Titi. Oui, et avant Titi, il n'y avait pas d'yeux. Ah non, je crois pas. Le monde était sans yeux. Oui, c'est possible. Alors, au moment où vous avez rencontré Titi, et ça se situe quand, ça ? En 61. Alors, au moment où vous l'avez rencontré, les yeux sont apparus dans le monde, on peut dire. Oui, c'est vrai. Mais il a fallu quand même des années avant que les yeux apparaissent dans vos textes. Ah oui, non, mais parce que je savais pas écrire. Et puis je ne sais pas écrire, d'ailleurs. Vous savez pas écrire, mais vous écrivez. Oui, mais c'est pas écrire. Qu'est-ce que c'est qu'écrire, alors ? C'est autre chose qu'écrire. Et nos plumes ont pris feu au contact du soleil et ont brûlé jusqu'au bout, ouvrant notre peau tout en haut de nous, creusant deux trous sous notre front au fond desquels les yeux sont apparus comme les racines du vide. Et des jambes ont poussé pour les faire briller et nous recommencer dans le ciel pour voir nos yeux. Et nos écailles sont tombées à la vue de la chair jusqu'à nous découvrir entièrement, ouvrant notre peau tout en bas de nous, creusant un trou sous notre ventre d'où le sexe est apparu comme les racines de la matière. Et des bras ont poussé pour le faire briller et nous recommencer sur la terre pour toucher notre sexe. Et nos yeux sont des boules de plumes dues à la combustion de nos ailes et comme amalgamées à la lumière du soleil. Comme notre sexe n'est qu'une boule d'écailles due à la mutation de notre corps et comme amalgamée à l'obscurité de la terre. Et depuis, nous sommes en position verticale voyant et en position horizontale jouissant. Et nous nous traînons sur le ventre pour pénétrer la chair comme nous glissons sur le front pour pénétrer le feu. Et nous jouissons, mais tout est descendu dans le ventre, comme nous voyons, et tout est monté dans le front. Et les yeux sont entrés dans le sexe, comme le sexe est entré dans les yeux. Et nous jouissons où nous voyons, et nos extrémités se réunissent. Le sexe rampe dans les yeux volent dans le sexe, ou les yeux rampent dans le sexe, et le sexe vole dans les yeux. Et les yeux touchent le sexe, et le sexe voit les yeux voyant, ou le sexe touche les yeux, et les yeux voient le sexe jouissant. Et tout se rassemble en les yeux ouverts et le sexe fermé, comme tout se rassemble en le sexe ouvert et les yeux fermés. Et les yeux voyants, le sexe ne jouit pas, le sexe n'est plus aveugle, comme le sexe jouissant, les yeux ne voient pas, les yeux ne sont plus voyants, comme un côté de la terre est dans le jour quand l'autre est dans la nuit, ou dans la nuit quand l'autre est dans le jour. Et si les yeux font naître la lumière dans l'obscurité, c'est que le sexe fait naître l'obscurité dans la lumière et qu'il fait jour tout autour de nous jouissant, comme il fait nuit tout autour de nous voyant. Et nous pénétrons la nuit avec nos yeux pour faire le jour, comme nous pénétrons le jour avec notre sexe pour faire la nuit, comme si nos yeux étaient un sexe en train de jouir, et que brusquement, voyant, le plaisir devenait impalpable, et que tout s'éloignait intouchable pour devenir visible, comme si notre sexe était des yeux en train de voir, et que brusquement, jouissant, la vue devenait palpable, et que tout s'approchait touchable pour devenir invisible, et sans cesse nous allumons et nous éteignons le soleil de notre chair à vif, comme si les ouvertures dans notre peau faisaient tourner et avancer la terre tout autour du soleil, et que l'enveloppe qui nous recouvrait ne mettait qu'un frein au mouvement de la terre, et que sinon le corps à nu tout irait si vite que tout se désagrégerait dans l'espace. Et la peau qui nous recouvre fait tout le tour du globe et le maintient dans le vide. Et les yeux se baissent et le sexe se lève et nous fait faire un tour autour du soleil jusqu'à atteindre la nuit. Et le sexe se baisse et les yeux se lèvent et nous font faire un autre tour jusqu'à atteindre le jour. et la peau se fend, et tout se relâche dans le ciel. La terre tourne et avance, et le corps la suit dans l'espace, et sans ces ouvertures sous notre front et entre nos jambes, tout serait immobile et rien ne pourrait plus tenir dans le vide. Et la terre est comme percée d'un trou qui est en bas et de l'autre côté quand il fait jour, de ce côté, et de deux trous qui sont en haut et de ce côté quand il fait nuit, de l'autre côté, ou d'un trou qui est en haut et de ce côté quand il fait jour, de l'autre côté, et de deux trous qui sont en bas et de l'autre côté quand il fait nuit, de ce côté, comme si nous nous renversions de la nuit au jour et du jour à la nuit, et que le sexe était en haut la nuit et les yeux en bas, et que le corps se renversait de la tête aux pieds, comme la terre tournait et changeait de côté, et que c'était par ces trous que la terre respirait et pouvait se mouvoir dans le ciel, et que dans le trou d'en bas ou d'en haut, on pouvait voir le fin fond de la terre, comme dans les deux d'en haut ou d'en bas, on voyait au travers le ciel sans fin. Et le jour, si on jouit, on s'enfonce jusque de l'autre côté de la terre où il fait nuit. Et la nuit, si on voit, on plonge jusque de l'autre côté de la terre où il fait jour. Et le jour, on cherche la nuit avec les yeux. C'est pourquoi la vue projette comme un sexe invisible dans l'espace qui semble faire tout le tour de la terre. Et la nuit, on cherche le jour avec le sexe. C'est pourquoi la jouissance projette comme des yeux palpables dans la matière qui semble faire tout le tour de la terre. Et le jour, on ne peut plus toucher son sexe en ses yeux. Et la nuit, on peut toucher ses yeux en son sexe, et voyant, on ne peut plus voir son sexe en la vue, et jouissant, on peut voir ses yeux en la jouissance, et la nuit, on peut toucher ses yeux comme le jour, on peut voir son sexe, et ne pas pouvoir voir son sexe la nuit, c'est ne pas pouvoir toucher ses yeux le jour, et quand on peut voir son sexe, c'est que l'on ne peut plus le toucher, autant que quand on ne peut pas toucher ses yeux, c'est que l'on peut les voir, et l'on voit ses yeux quand on ne peut plus les toucher, autant que l'on ne peut plus toucher son sexe quand on peut le voir, et pouvoir toucher ses yeux ou ne plus pouvoir voir ses yeux, c'est ne plus pouvoir voir son sexe, ou pouvoir toucher son sexe, et ne plus pouvoir toucher ses yeux, ou pouvoir voir ses yeux, c'est pouvoir voir son sexe, ou ne plus pouvoir toucher son sexe. Et l'on peut toucher son sexe seulement quand on peut toucher ses yeux, comme l'on peut voir ses yeux seulement quand on peut voir son sexe. Et au toucher des yeux, le sexe devient touchable, comme à la vue du sexe, les yeux deviennent visibles. Et dans nos yeux que l'on touche, il y a notre sexe que l'on peut toucher. Et dans notre sexe que l'on voit, il y a nos yeux que l'on peut voir. Et si l'on pouvait toucher ses yeux jusqu'à voir, on toucherait son sexe en la vue touchée. Comme si l'on pouvait voir son sexe jusqu'à jouir, on verrait ses yeux en le toucher vu. Et si l'on pouvait enfoncer ses mains jusqu'au fond de ses yeux, l'on sentirait son sexe au bout de ses doigts, comme si l'on pouvait traverser son sexe de ses yeux, l'on sentirait ses yeux au bout de ses yeux. Et en la vue du sexe, il y a la vision des yeux, comme en le toucher des yeux, il y a le toucher du sexe. Et nous voyons notre sexe et nous touchons nos yeux, mais nous cherchons nos yeux et notre sexe. Et toucher ses yeux, c'est être aussi aveugle que voir son sexe, c'est être voyant. Et nous touchons notre sexe et il fait nuit, et nous voyons nos yeux, il fait jour, et les yeux voient, sinon il ne serait pas des yeux. C'est pourquoi les toucher, c'est toucher son sexe, comme le sexe se touche, sinon il ne serait pas un sexe. C'est pourquoi le voir, c'est voir ses yeux. Et lorsque nous pouvons toucher nos yeux, c'est que nous sommes aveugles, autant que lorsque nous pouvons voir notre sexe, nous sommes voyants. Et pouvoir toucher ses yeux, c'est ne plus pouvoir voir, autant que pouvoir voir son sexe, c'est ne plus pouvoir toucher et jouir. Et nous ne jouissons que les yeux fermés, lorsque nous ne pouvons plus voir notre sexe, comme nous ne voyons que les yeux ouverts, lorsque nous ne pouvons plus toucher nos yeux. Et lorsque nous ne pouvons plus voir notre sexe, c'est que nous jouissons, comme lorsque nous ne pouvons plus toucher nos yeux, c'est que nous voyons. Et le sexe ne supporte pas la vue, comme les yeux ne supportent pas le toucher. Et voir son sexe jouissant, c'est comme toucher à ses yeux voyants. Et le sexe vu, c'est comme les yeux touchés, parce que le sexe ne peut que se toucher, comme les yeux ne peuvent que se voir. Et il est moins douloureux de voir son sexe sans jouir, comme de toucher ses yeux sans voir. Et toucher son sexe sans jouir, c'est comme voir ses yeux sans voir. Et jouissant, on touche son sexe, comme voyant, on voit ses yeux. Et la vue du sexe provoque sa fuite, comme le toucher des yeux. Et on ne peut pas voir le sexe sans qu'il s'échappe, comme on ne peut pas toucher les yeux sans qu'il se ferme. Et si l'on peut toucher son sexe, c'est que l'on peut voir ses yeux. Et si nous pouvons toucher notre sexe qu'au moyen de nos bras et de nos mains, c'est que nous ne pouvons voir nos yeux qu'au moyen de nos jambes et de nos pieds, comme s'il fallait que nous avancions pour voir nos yeux, comme si nos yeux étaient devant nous et qu'ils étaient tout ce qui nous entourait. Et si avancer, c'est voir ses yeux, c'est que voir ses yeux, parce que nous ne pourrions pas voir si nous ne pouvions pas avancer. Et nous touchons pour toucher notre sexe, comme si notre sexe était devant nous et qu'il était tout ce qui nous entourait. Et si toucher, c'est toucher son sexe, c'est que que jouir, c'est toucher son sexe, et que nous ne pourrions pas jouir si nous ne pouvions pas toucher. Et si toucher son sexe, ce n'est que jouir, c'est que voir, ses yeux, ce n'est que voir, et que seuls les autres peuvent le toucher et les voir. Et on ne jouit jamais que dans un autre sexe, comme on ne voit jamais que dans d'autres yeux. Et nous jouissons parce que notre sexe touche un autre sexe, comme nous voyons parce que nos yeux voient d'autres yeux. Et le sexe n'est pas touchable sans l'aide d'un autre sexe, comme les yeux ne sont pas visibles sans l'aide d'autres yeux. Et sans les autres sexes, notre sexe ne serait pas touchable et nous n'aurions pas de bras ni de mains, comme sans les autres yeux, nos yeux ne seraient pas visibles et nous n'aurions pas de jambes ni de pieds. Et sans le soleil, il n'y aurait pas Dieu, parce que sans la terre, il n'y aurait pas de sexe. Et que la terre n'est que touchable, comme le soleil ne peut être que visible, et que voir la terre est aussi inconcevable que toucher le soleil. Et que si nous pouvions toucher le soleil, c'est que nous pourrions toucher nos yeux, mais c'est que le soleil serait froid et éteint, et que les yeux seraient fermés et aveugles. Comme si nous pouvions voir la terre, c'est que nous pourrions voir notre sexe, mais c'est que nous aurions quitté la terre et notre sexe. Et voir son sexe qui jouit, c'est comme pouvoir voir la terre tout entière. Comme toucher ses yeux qui voient, c'est comme pouvoir toucher le soleil. Et nous voyons notre sexe qui jouit, mais nous ne jouissons pas, et notre sexe est comme éloigné de notre corps. Il n'est plus à nous, nous ne pouvons jouir que de le voir jouir, comme si nous pouvions voir la terre tout entière, c'est que nous ne serions plus dessus, et nous touchons nos yeux qui voient, mais nous ne voyons pas, et nos yeux se sont comme approchés de notre corps, comme si nous pouvions toucher le soleil, c'est que nous serions dessus, et si l'on nous coupait le sexe, c'est comme si l'on nous enfonçait les yeux jusqu'au fond de la tête, et c'est que l'on nous couperait de la terre, et que l'on nous enfoncerait dans le soleil. Et si les yeux ne sont pas touchables, c'est parce qu'ils sont très loin et aussi loin que le soleil. Et si le sexe n'est pas visible, c'est parce qu'il est très près et aussi près que la terre, et qu'il n'y a pas plus loin de nous que les yeux, et pas plus près que le sexe. C'est pourquoi nous ne pouvons que voir le soleil qui a fait naître les yeux, et que nous ne pouvons que toucher la terre tout entière qui a fait naître le sexe. Et nous n'avons pas Dieu, nous voyons seulement le soleil, et nous n'avons pas de sexe, nous touchons seulement la terre. Et entre les yeux et le sexe, il n'y a que la distance du soleil à la terre, et voir son sexe, c'est allumer le soleil au-dessus de la terre, comme toucher ses yeux, c'est l'éteindre au-dessous. Et le sexe est attaché à la terre, et les yeux au soleil beaucoup plus qu'à notre corps. Et du sexe aux yeux, nous sommes comme écartelés de la terre au soleil. Ces textes sont stérilisants, comme si c'était, bah, je sais pas, le napalm. Hein, il y a un côté comme ça, hein, chez parents. Le dernier des écrivains, il restera mes textes, mes boules, dans un monde où il ne resterait plus rien. Ah, peut-être le bout des bordes. Ah si, le bout des bordes. Alors ça, je suis jamais allé au bout des bordes. Pour moi, c'est le bout du monde, le bout des bordes. J'imagine ça comme un grand PC, un grand poste d'observation, poste de commandement, d'où il nous manœuvre là-bas, de loin, avec Titi et les deux petites filles, là. Ils envoient son journal, comme les proclamations de la grande armée. Mais qu'est-ce qui se trame là-bas? Alors j'imagine, il y a des photos aussi, des photos d'amateurs, où on voit Jean-Luc, un peu vulcain, un peu pop, un peu moudique. Et puis, petit à petit, l'envahissement se produit. Je prends les lettres, je ne tâche pas d'importance à ces tampons. On est là pour ça. Nous sommes pour prendre le courrier, pour le porter et faire partir, et prendre les commissions s'il y en a. Mandat ou commission, toutes sortes de commissions quoi, pour la poste. Cher Jean-Luc Parent, vos métaphores m'impressionnent. Cher Jean-Luc Parent, les tests aussi font bien mon affaire. Moi qui aime tant les vastes, j'admire votre souffle extraordinaire. Cité. qui vous fait tenir une plus la mère de lait. Une mère, c'est la une mère Dieu. On peut en tout endroit y prélever un seau d'eau. Ce n'est jamais tout à fait le même. Fait on la sert à certaines on la goûte. On revit à la mer. On peut lèvre à la fois un autre incantatoire. On peut aussi s'y baigner. Et très matin, voici la terre devenue fluide pour nos longs voyages en plongée. Jean-Luc, la parution de ton journal une fois l'an inaugure une périodicité solaire qui aveugle les flashs qui lui de au bord de la nuit de la langue s'en remet pas du temps la pesanteur qui lui bat sociale, les tempes dans la transparence le silence le fil saoulé un souffle de langue un inventeur les yeux paraît par un André Velter Alain Duhaut l'autruche disent certains couve ses œufs en les regardant. Les mêmes prétendent avoir regardé fixement pendant 9 mois une boule de Jean-Luc Parent, l'avoir vue se fendre et donner naissance à une autre boule légèrement plus petite. Gilbert Lascaux. Titi, mon amour, tu montes, tu descends, je t'entends, tu viens seulement écrire, encore écrire, que tu m'aimes, que tu m'aimes, que tu m'aimes, mon amour, le bruit de tes pas dans l'escalier me le dit, je t'entends et je t'entends me dire je t'aime, tous les mouvements que tu fais sont comme pour me le dire, tu écris mais je sais que tu m'écris assis à ta grande table, tu penses à moi, tu viens l'écrire tous les jours, à tout moment, des centaines de fois, tu m'écris tout près de moi que tu m'aimes, sous le même toit, tout près de moi, tu penses à moi, et je suis rouge et tu es bleu, et tout le rouge se remplit de bleu, et tout le bleu se remplit de rouge. Ça, c'est tous les dessins que j'ai faits hein, jusqu'à maintenant. Ce sont des sacs de papier. Alors, il y a des feuilles de papier goudronné. Comme c'est un peu lisse, la couleur s'en va, là. On voit là, la différence de couleur, là. Enfin, ça fait rien, la couleur, mais c'est que... je crois qu'elle est rentrée dans le papier. Et... C'est du soin. Pour marquer les moutons. Puis qui dessine. Elle dessine pour sur moi, rouge, pour un certain type de papier, qui est à peu près toujours le même. C'est une sorte de papier goudronné. Enfin, d'apparence, c'est un papier craft, un papier d'emballage. C'est un support qui inclut en lui-même un certain nombre de textures et de matières, de telle sorte qu'il est assez résistant et qu'en même temps, il donne un peu l'impression d'un support ruiné, d'un support sauvé d'une inondation ou d'une catastrophe quelconque. C'est toujours bleu autour du petit rouge et rouge autour des petits bleus, là. Ça ressemble un peu à une fresque. Une fresque qui serait un peu ancienne, un peu démolie, fragmentée, brisée, erratique. Ce serait une fresque avec des couleurs un peu passées, rouges ou bleues. Mais ce bleu, on dirait qu'il tourne. C'est un bleu qui tourne et qui verdit. On dirait qu'il y a une sorte de moisissure qui a mangé le graphisme des bonhommes de Titi. Et ces bonhommes, d'ailleurs... Elle les dessine et en même temps elle les détruit, elle leur fait du mal, c'est-à-dire qu'elle les couvre de baisers, mais ces baisers les effacent. On dirait que les bonhommes disparaissent sous les caresses, sous des marques. Ils sont tatoués, mais tellement tatoués qu'ils sont couverts, maculés. Alors ça ressemblera à une fresque, mais aussi avec ce système peut-être de Titi, ou cette façon qu'elle a de produire ses dessins, qui est aussi une oscillation, comme chez Jean-Luc, ça serait la nuit et le jour, chez elle c'est toi, moi, c'est-à-dire peut-être mais peut-être seulement lui et elle. J'ai dessiné le plan de la maison. L'oscillation toi-moi et le rouge et le bleu. Il y a le et puis ces deux petits bonhommes ou ces grands bonhommes. La chambre. Et ça serait comme le système sanguin avec le sang rouge qui passe et qui devient le sang bleu. Une effusion, mais aussi une transfusion et une perte. La perte de l'image de l'autre. Ou alors le catalogue d'un tatoueur. Le tatoueur sur la peau. Et alors ces dessins, ça serait aussi cette matière, quand on la voit, puis, elle est aussi, puis, un peu tannée, épaisse et en même temps fragile, comme une vieille peau, marquée, usée. On ne sait pas très bien d'où elle provient, quelle est son origine. On ne sait pas où elle va. Le 17 octobre, dimanche 18 novembre 1974. Il y a aussi de l'écriture, c'est-à-dire des mots d'amour. Semaine, je t'aime, je t'embrasse. Je t'aime, je t'embrasse. Je t'aime, je t'embrasse. Je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'embrasse. Je t'embrasse. Là, sur la tête. Marisol et Sybille dans la chambre. Dimanche 4 mai 1975. Dans ma tête, il est 11h35, je pense à toi. Il est midi, je pense à toi. De 11h35 à midi, j'ai pensé à toi. Il est midi 30, je pense à toi. De midi à midi 30, j'ai pensé à toi. Il est midi 40, je pense à toi. De midi 40 à 14h30. J'ai pensé à toi. La monotonie apparente. Chez Didi, la monotonie provient de ce qu'il n'y a peut-être pas grand-chose à dire de ce qui lui semble essentiel. Titi démontre, d'une certaine façon, que tous les discours sur la passion amoureuse sont faux, sont truqués. Tous les discours culturels, tous les discours littéraires. Ils sont faux parce qu'ils finissent par occulter la passion elle-même derrière des métaphores, derrière des images qui, d'un certain côté, l'embellissent, évidemment, et la rendent plus séduisante, plus chatoyante, mais qui, d'un autre côté, la masquent et la font disparaître. Il est 10h15. Alors que le « Je t'aime » de Titi Parent est non métaphorique. De 8h35 à 10h15, j'ai pensé à toi. Il est 11h35, je pense à toi. De 10h15 à 11h35, j'ai pensé à toi. Il est 11h40, je pense à toi. Quel est le statut de cette écriture? Comment faut-il la lire ou la voir? Alors je crois que peut-être qu'il faut la voir seulement. C'est-à-dire que ça serait une écriture dessinée. Donc il y a comme un dérobement de cette écriture. Et cette dérobade qui est un dérobement, c'est-à-dire une fuite, une perte. Il y a quelque chose qui se perd, c'est la lecture. Et alors, on pourrait aussi se poser la question, puisque cette écriture peut-être est à voir et pas à lire, est-ce que les dessins disent quelque chose, c'est-à-dire, est-ce qu'ils sont figuratifs? Alors, c'est ni oui ni non, parce qu'il y a bien des bons hommes, mais c'est tellement élémentaire, c'est style de graffiti. Alors, c'est figuratif, mais c'est comme si la référence, elle était presque morte, affaiblie, détournée. Presque rendu transparent. On pourrait plus dire justement ce toi, moi, est-ce que c'est lui et elle? C'est seulement une marque, un tampon sur le dessin, pour organiser le dessin. Donc elle non plus n'a pas commencé, elle ne finira pas sûrement. Simplement, elle insiste sur une trace, sur un espace. Et elle se perd là-dedans. J'ai pensé à toi. Elle ne dit rien, en fait. Elle ne dit rien parce qu'elle dit toujours la même chose. Mais elle le dit, elle le dit pas, justement. Enfin, elle dessine le geste de Titi, ou la geste de Titi, qui insiste sur quelque chose. Mais c'est quelque chose de muet. Et alors, elle répète souvent comme une bavarde, mais ça serait une bavarde qui bavarderait pour ne rien dire, pour ne pas parler. Pour être muette. Dimanche 23 mai, ça serait sa façon, elle, d'être muette, de bavarder. Quelque chose comme ça. dans la maison. Toi, tu dors. Moi, dans la cuisine. Marisol et Sybille, dehors. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'embrasse. Là, là, là, là, là, là, là, là, tout en bas, sur le ventre. Là, là. Jean-Luc dirait que c'est l'horloge d'amour de Titi Parent. De l'autre côté, dans l'œuvre de Jean-Luc, on ne trouve jamais la présence de la femme, de la femme visible en tout cas. Je crois que ça correspond à un lien très mystérieux, très magique avec le monde. Et je vois là une sorte d'androgyna avec la féminité du monde. Cet androgyna, je dirais qu'il est chez lui, noce de la terre et du soleil, de la naissance et de la mort, ou aussi du moi et du non-moi. On pourrait dire que la lumière est la femme de l'œil, que la vue est la femme de l'œil, ou que la vision est la femme de l'œil. Mais la chose sans doute la plus complexe, c'est que la voyance chez lui est la femme de l'œil de l'œil. Je dirais que l'œil de l'œil est le regard absolu de la relativité du regard. Et la femme des yeux, c'est la peau des paupières, il en parle d'ailleurs, mais c'est aussi la peau du monde, c'est la peau du corps, ce sont les paupières du monde. Les yeux, oui. Bah oui, les yeux, oui. Bien sûr, oui. Je dirais qu'il y a chez Jean-Luc Parent un œil infini, c'est lui qui emploie cette expression, comme une terre immobile autour de laquelle tourneraient tous les soleils. Et en même temps, il y a un œil fini, un œil éternellement inachevé, qui serait une terre mobile tournant autour d'un seul soleil. Comme un gant retourné change de main, le sens des mots est toujours réversible. Et Jean-Luc Parent a cette espèce de liberté extraordinaire dans son langage. C'est un langage extrêmement complexe, qu'il a appelé lui-même une machine à voir. Ce qui m'a frappé, c'est la façon dont il manie les coupes d'opposition. Le ciel, la terre, l'obscurité, la lumière, la voyance, l'aveuglement, l'ouvrir, le fermer, l'approche, le recul. On pourrait en citer probablement plusieurs dizaines. Mais il y a chez lui un art dialectique de manipuler deux coupes d'opposition à la fois. Par exemple, terre du jour, ciel de la nuit, terre de la nuit, ciel du jour, aveugle du ciel, voyant de la terre, aveugle de la terre, voyant du ciel. Curieusement, cette façon de structurer le langage se rapproche de la structure du Yi Qing, qui est en fait une structure quadripolaire, vieux yang, jeune yin, vieux yin, jeune yang. Et cette structure, finalement, aboutit à relativiser ses pôles. C'est pour ça qu'il n'absolutise jamais son langage. On pourrait croire à travers son œuvre que les yeux, ouais. le mot lui-même est absolutisé, ce n'est pas le cas. Jean-Luc Parent écrit les yeux, il les écrit E-Y-X-U ou X-E-U-Y. Bah oui, les yeux, oui, bien sûr. Oui. Les yeux n'ayant rien à voir avec le mot et le mot avec l'énigme des yeux. Parlons des yeux, j'ai toujours parlé du sexe. Enfin, c'est du sexe que je voulais parler. Oui. Si on est d'un sexe, forcément, c'est là qu'il faut chercher. Oui, le sexe, c'est vraiment la mort, puisque c'est par lui qu'on se reproduit. Je crois d'ailleurs que s'il n'y avait qu'un sexe, on ne pourrait pas mourir. Et on meurt parce qu'il y a justement deux sexes. Et deux sexes qu'on n'a pas. Enfin, on ne meurt pas par les yeux, quoi. On ne naît pas par les yeux. Si on n'avait qu'un œil, d'ailleurs, l'œil serait enceint. On sortirait d'un œil, enfin. On accoucherait par un œil. On serait d'ailleurs ailé, certainement. Et si on y voyait par le sexe, c'est qu'on aurait deux sexes et qu'on ne pourrait pas mourir, enfin. Est-ce que si on avait un œil, on aurait un sexe? Enfin, bon, forcément que si on n'avait qu'un œil, l'œil serait un sexe. Est-ce que le sexe n'est pas un œil? Enfin, mais c'est pas un œil, c'est quelque chose comme deux yeux, mais c'est la moitié de deux yeux, mais la moitié de deux yeux, c'est pas un œil. Enfin. Et la seule différence qu'il y a entre les yeux et le sexe, c'est une question de distance. Et des yeux au sexe, il y a l'espace du soleil à la terre. Et nous pouvons toucher notre sexe et la terre tout entière, autant que nous pouvons voir nos yeux et le soleil. Et nous ne pouvons pas toucher nos yeux et le soleil, autant que nous ne pouvons pas voir notre sexe et la terre tout entière. Et nous tenons autant à la terre par le sexe que nous tenons au soleil par les yeux. Et le sexe est très près jusqu'à en être aveugle, et les yeux très loin jusqu'à en être voyant. C'est pourquoi les yeux touchés ne peuvent être qu'un sexe, et le sexe vu que des yeux. Et si les yeux étaient touchables, c'est que le soleil aurait pris la place de la terre, et la terre celle du soleil, et que le sexe serait devenu intouchable. Et si les yeux n'étaient pas des yeux, il ne pourrait pas être autre chose qu'un sexe. Et si le sexe n'était pas un sexe, il ne pourrait être que des yeux. Et si nous pouvions toucher nos yeux ouverts, c'est que nous pourrions toucher le soleil, et que nous aurions quitté terre, mais c'est que nous ne pourrions plus toucher notre sexe. Et pouvoir toucher ses yeux en train de voir, ce serait ne plus pouvoir voir le soleil, et ne plus pouvoir toucher la terre jusqu'à pouvoir voir son sexe en train de jouir. Et si dans l'obscurité on peut toucher ses yeux, c'est que le soleil a disparu sous les yeux, et que les yeux sont revenus à terre. Et si on ne voit plus, c'est parce qu'on ne peut pas ne plus toucher le soleil, et que toucher à ses yeux ouverts dans la nuit, ce serait toucher à ses yeux que l'on ne peut pas ne plus toucher, et que toute tentative d'attouchement est impossible, les yeux ayant disparu sous la peau comme le soleil sous la terre, et que les yeux n'étaient plus qu'aveugles, et que leur matière n'était plus que celle d'un sexe, comme le soleil n'était plus qu'éteint, et que sa matière n'était plus que celle de la terre. Et si dans la lumière on peut voir son sexe, c'est que la terre a disparu sous les mains, et que le sexe s'est échappé dans le soleil. Et si on ne touche plus, c'est parce qu'on ne peut pas ne plus voir la terre, et que voir son sexe jouir dans le jour, ce serait voir son sexe que l'on ne peut pas ne plus voir, et que toute tentative de vision est impossible, le sexe ayant disparu sous la peau comme la terre sous le soleil. Et la nuit on va vers ses yeux avec les mains, comme le jour vers son sexe avec les yeux, comme si le voile transparent et lumineux qui recouvrait le sexe le jour était semblable à la membrane opaque et obscure qui recouvrait les yeux la nuit, et que l'on pouvait voir son sexe le jour comme l'on pouvait toucher ses yeux la nuit, et que la paupière qui enveloppait le sexe à la lumière n'était qu'une paupière de ciel, comme celle qui enveloppait les yeux à l'obscurité étaient des paupières de terre, et que l'on ne voyait pas la paupière, mais que l'on voyait voyant sur tout son sexe, comme l'on ne touchait pas ses paupières, mais que l'on touchait, touchant surtout ses yeux fermés. Et le sexe le jour ne jouit pas, comme les yeux la nuit ne voient pas. Et si on peut toucher ses yeux, c'est que l'on ne voit pas, autant que si l'on peut voir son sexe, c'est que l'on ne jouit pas. Et pouvoir voir son sexe, c'est pouvoir tout voir, autant que pouvoir toucher ses yeux, c'est pouvoir tout toucher. Et voyant le sexe est visible, autant qu'aveugle, les yeux sont touchables. Et si l'on peut voir son sexe, c'est que tout ce qui nous entoure est visible, comme si l'on peut toucher ses yeux, c'est que tout ce qui nous entoure est touchable. Et à la vue du sexe on ne peut plus jouir, comme au toucher des yeux on ne peut plus voir. Et si l'on peut jouir à la vue du sexe, c'est que l'on peut voir au toucher des yeux, et jouir à sa vue c'est voir à leur toucher. Et on se regarde le sexe et on jouit comme on voit en se frottant les yeux, et les yeux qui voient sont intouchables, comme le sexe qui jouit est invisible, et l'on ne peut pas voir son sexe jouissant, autant que l'on ne peut pas toucher ses yeux voyants. Et jouissant, si l'on peut toucher son sexe, c'est que voyant l'on peut voir ses yeux, et l'on ne pourrait pas voir sans voir ou faire voir ses yeux, comme l'on ne peut pas jouir sans toucher ou faire toucher son sexe. Et jouissant, le sexe se fait toucher, autant que voyant les yeux se font voir. Et toucher l'autre sexe jusqu'à jouir de son sexe, c'est voir d'autres yeux jusqu'à voir ses yeux. Et jouir, c'est avoir touché son sexe, comme voir, c'est avoir vu ses yeux. Et quand nos yeux ne sont pas visibles, c'est qu'ils sont touchables, comme quand notre sexe n'est pas touchable, c'est qu'il est visible. Et quand nos yeux sont intouchables, c'est qu'ils sont visibles, comme quand notre sexe est invisible, c'est qu'il est touchable. Et voyant, il n'est pas possible de ne pas faire voir ses yeux, comme jouissant, il n'est pas possible de ne pas faire toucher son sexe. Et l'on tend ses yeux vers les autres yeux, comme l'on tend son sexe vers l'autre sexe. Et si l'on voit nos yeux, c'est que nous voyons autant que si l'on touche notre sexe, c'est que nous jouissons. Et si l'on voit, c'est que l'on voit nos yeux autant que si l'on jouit, c'est que l'on touche notre sexe, comme si jouir était le degré suprême du toucher, comme voir était celui de la vue. Et si l'on peut toucher sans jouir, c'est que l'on peut voir sans voir. Et si le toucher est possible sans le sexe, c'est que la vue est possible sans les yeux, et que l'on peut voir par d'autres endroits que les yeux, comme l'on peut aussi toucher par les mains, et l'on voit le jour en avançant les jambes, comme l'on touche la nuit en tendant les bras, et le toucher est autant dans la vue que la vue est dans le toucher, et si l'on peut voir par le sexe, c'est que l'on peut toucher par les yeux, et le sexe est dans les yeux autant que les yeux sont dans le sexe, et toucher des yeux c'est comme voir du sexe, et l'on jouit par les yeux comme l'on jouit par le sexe, et voir au moyen des yeux c'est comme toucher au moyen du sexe, et dans l'un et l'autre cas c'est jouir, et toucher avec ses mains ce n'est pas toucher, autant que voir avec ses pieds ce n'est pas voir, toucher c'est pénétrer la chair avec son sexe jusqu'à trouver la nuit, comme voir c'est pénétrer le feu avec ses yeux jusqu'à trouver le jour, et il faut s'introduire dans l'espace ou dans la matière pour pouvoir atteindre la lumière ou l'obscurité, la vue ou le toucher, et voir c'est comme toucher avec un sexe invisible, et toucher c'est comme voir avec des yeux palpables. Et la seule différence qu'il y a entre les yeux et le sexe, c'est que les yeux atteignent ce qui nous entoure avec un membre invisible, alors que le sexe l'atteint avec un membre palpable. C'est ainsi que le ciel et le feu ont surgi au bout de nos yeux, et que la terre et la chair ont surgi au bout de notre sexe, faisant naître la lumière en la vue et l'obscurité en le toucher. Et le sexe qui est touchable ne pénètre que ce qui est à notre portée, comme les yeux qui sont intouchables ne pénètrent que ce qui est hors de notre portée. Et si on ne pouvait pas toucher son sexe, on ne pourrait pas pénétrer la chair et jouir, et la terre et la matière qui nous entourent seraient insaisissables, et si le sexe n'est pas des yeux, c'est seulement parce qu'il est touchable, et si on pouvait toucher ses yeux, on ne pourrait pas pénétrer le feu et voir, et le ciel et le vide qui nous entourent seraient saisissables, et si les yeux ne sont pas un sexe, c'est seulement parce qu'ils sont intouchables, et la nuit où les yeux fermés, nos yeux que l'on peut toucher sont comme un sexe qui serait monté jusque sous notre front, comme si nous pouvions faire le jour en ouvrant les yeux autant la nuit que le jour, comme nous pouvons faire la nuit en fermant les yeux autant le jour que la nuit, nous ne pourrions pas toucher notre sexe car il serait comme des yeux qui seraient descendus jusque sous notre ventre. Et si nous ne pouvons pas faire le jour comme nous faisons la nuit, c'est parce que nous ne pouvons pas voler comme nous rampons, et que nous sommes attachés à un globe de nuit, et que nous portons l'obscurité, et que sinon notre sexe ferait le jour comme nos yeux peuvent faire la nuit, et nous avons un sexe qui ne peut faire que l'obscurité, comme si nous avions des yeux qui ne pouvaient faire que la lumière, et notre sexe est dans un continuel aveuglement, comme nos yeux seraient dans un continuel éblouissement, et si nos yeux ne pouvaient pas se fermer, c'est qu'ils seraient attachés au feu et au ciel, comme nous sommes attachés par notre sexe qui ne peut pas s'ouvrir à la chair et à la terre, et que sinon, si nous pouvions faire le jour par notre sexe, comme nous pouvons faire la nuit par nos yeux, nous nous envolerions dans l'espace vivant entre terre et ciel, et ce ne sont pas les yeux qui pourraient faire le jour comme ils font la nuit, mais le sexe qui ne fait que la nuit, et les yeux pour faire le jour, mais aussi pour faire la nuit à volonté le jour ou la nuit dans le ciel et sur la terre, comme si le sexe pour faire la nuit, mais aussi pour faire le jour à volonté la nuit ou le jour sur la terre et dans le ciel. Et quand nous pourrons nous envoler jusqu'à toucher le feu et ne plus pouvoir toucher la terre, comme nous pouvons ramper jusqu'à toucher la chair et ne plus pouvoir toucher le ciel, c'est que nos yeux ne pourront plus se refermer et quitter le vide, comme notre sexe ne peut plus s'ouvrir et quitter la matière, mais c'est que notre sexe fera le jour comme nos yeux font la nuit, et que nos yeux feront le jour comme notre sexe fait la nuit, et notre sexe pourra faire naître un jour continuel jusqu'à ne plus pouvoir jouir, comme nos yeux pourraient faire naître une nuit sans fin jusqu'à ne plus pouvoir voir, et ne plus pouvoir toucher, ce serait ne plus pouvoir faire surgir de notre sexe qu'une lumière incessante, comme ne plus pouvoir voir serait ne plus pouvoir faire surgir de nos yeux qu'une obscurité sans fin, et nous touchons et nous voyons parce qu'il fait nuit et jour, jour et nuit sans cesse, et que nous ne sommes ni aveugles ni voyants, et que nous ne cherchons que l'éblouissement dans la voyance, que l'aveuglement dans la jouissance, afin de pouvoir autant voler dans le ciel que ramper sous la terre. Et voir par le sexe serait être arrivé à pouvoir toucher par les yeux, et toucher par les yeux serait être arrivé à pouvoir voir par le sexe, car si la vue pouvait se trouver en bas sous le ventre, c'est que le toucher serait en haut sous le front, et il n'y a pas d'autre emplacement concevable pour la vue et le toucher, comme il n'y en a pas d'autre pour le ciel et la terre, et si le ciel était en bas, la terre ne pourrait être qu'en haut, comme si le seul bouleversement possible ne pouvait produire que l'inversement de tout ce qui nous entoure, et que tout serait alors inversé sans que l'équilibre en soit détruit. Et si les yeux sont placés tout en haut de nous, c'est parce que le ciel se trouve au-dessus de nous. Et si le sexe est placé tout en bas de nous, c'est parce que la terre se trouve dessous de nous. Et nous sommes au-dessus de la terre, mais ce n'est que par les yeux. Comme nous sommes au-dessous du ciel, et ce n'est que par le sexe. Et sans les yeux, nous serions au-dessous de la terre. Comme sans le sexe, nous serions au-dessus du ciel. Et sans le sexe, nous pourrions surplomber le ciel. Comme avec les yeux, nous surplombons la terre. Et sans les yeux, la terre nous surplomberait. Comme avec le sexe, le ciel nous surplombe. Et les yeux nous font monter au ciel au-dessus de la terre. Et le sexe nous fait descendre à terre au-dessous du ciel. Et nous avons des yeux et un sexe pour être entre la terre et le ciel. Car sans la vue, il n'y aurait pas le ciel et nous serions dans la terre. Comme sans le toucher, il n'y aurait pas la terre et nous serions dans le ciel. Et sans les yeux, nous serions aussi loin dans la terre que sans le sexe, nous serions loin dans le ciel. Et si loin dans la terre sans les yeux que nous ne verrions plus le ciel. Et aussi loin que nous serions dans le ciel sans le sexe que nous ne pourrions plus toucher la terre. Et les yeux nous retiennent au-dessus de la terre comme le sexe au-dessous du ciel. Sinon, sans les yeux, nous ramperions sous la terre et sans le sexe, nous volerions dans le ciel. Et les yeux ne peuvent pas ramper autant que le sexe ne peut pas voler. Et il n'est pas possible de concevoir nos yeux rampant autant que notre sexe volant. Et si les yeux ramper, c'est que le sexe volerait et que tout se serait retourné et nous sommes prêts à nous enfoncer en terre. Mais nos yeux sont un frein à notre enfoncement et nous sommes prêts à nous envoler. Mais notre sexe est un frein à notre envol et les yeux sont comme aimantés par le ciel et nous suspendent au-dessus de terre. Et le sexe est comme aimanté par la terre et nous suspend au-dessous du ciel. Et les yeux nous tirent vers le ciel et le sexe nous tire vers la terre. Et si nous devions nous envoler, nous emporterions la terre avec nous. Où c'est que nous y laisserions notre sexe? Et si nous devions partir sous terre, nous emporterions le ciel avec nous. Où c'est que nous y laisserions nos yeux? Et les yeux et le sexe sont de force égale. Sinon, nous ne serions pas entre la terre et le ciel, mais en la terre ou en le ciel, sans yeux ou sans sexe. Et si nous étions sans yeux et sans sexe, c'est que nous serions en même temps en la terre et en le ciel. Et que tout le haut de nous volerait et que tout le bas ramperait. Et que nous serions sans front et sans jambes, sans dessus et sans dessous, aveugles et immobiles. Et le sexe nous maintient au-dessous du ciel. Comme les yeux nous maintiennent au-dessus de terre, et nous sommes entre la chair et le feu, et si les yeux ou le sexe cédaient, nous disparaîtrions tout entiers dans la chair jouissant, ou dans le feu voyant, traversant le corps ou le soleil que nous pénétrons, et si l'on nous supprimait le sexe ou les yeux, on volerait ou l'on ramperait, et nous voyons, et si nous ne pouvons pas quitter terre et aller là tout entier où va la vue, c'est parce que nous avons un sexe qui nous tient à terre et dont la peau est toute notre peau, et recouvre tout le côté de la terre où il fait nuit, et nous jouissons, et si nous ne pouvons pas quitter le ciel et aller là tout entier où va le toucher, c'est parce que nous avons des yeux qui nous tiennent au ciel et dont la chair est toute notre chair et recouvre tout le côté du ciel où il fait jour. Et si, jouissant, nous pouvions disparaître tout entier dans le corps que nous pénétrons, c'est que voyant, nous pourrions disparaître tout entier dans le soleil et nous sommes coincés entre le dessous du ciel et le dessus de la terre. Et si nous sommes voyants et jouissants, c'est parce que nous sommes ni volants ni rampants et que la voyance est entre le vol et le rampement et la jouissance entre le rampement et le vol, et que voyant nous volons tout en rampant, et que jouissant nous rampons tout en volant, et que si pénétrant la chair on nous crevait subitement les yeux, le corps tout entier disparaîtrait dans l'autre corps, et que si pénétrant le feu on nous arrachait subitement le sexe, le corps tout entier disparaîtrait dans le soleil, et les yeux qui voient sont toujours accompagnés du sexe qui touche, et le sexe qui touche est toujours accompagné des yeux qui voient, et dans la vue les yeux sont à cheval sur le sexe, et on ne sait pas qu'est-ce qui se tend, et atteint le soleil, et dans l'orgasme le sexe est à cheval sur les yeux et on ne sait pas qu'est-ce qui se tend et atteint la chair, et le sexe rampe jusqu'à ce que les yeux s'envolent et les yeux volent jusqu'à ce que le sexe se rampe, et le corps fait le tour de la terre avant que les yeux voient, et le tour du soleil avant que le sexe jouisse, et le sexe est dans les yeux et c'est par lui qu'il voit, comme les yeux sont dans le sexe et c'est par eux qu'il jouit. Et si le sexe ne montait pas jusque sous le front voyant, nous ne verrions pas, comme si les yeux ne descendaient pas jusque sous le ventre jouissant, nous ne jouirions pas, et nous voyons, mais la vue envahit tout en un sexe invisible, et nous jouissons, mais le plaisir envahit tout en des yeux palpables, et nous voyons, et voyant, nous possédons l'espace, comme jouissant, nous possédons le corps, et lorsque nous partons dans le feu ou dans la chair, nous sommes dans le même état, dans le ciel ou dans le corps, nous développons une force égale dans l'air ou la matière, et nous voyons des yeux, comme nous jouissons et nous touchons un sexe, et voir, c'est voir des yeux, comme jouir, c'est jouir dans un sexe. et voyant, nous ne savons pas que nous pénétrons le feu de la même façon que jouissant, nous pénétrons la chair, et que l'acte visuel naît de la même combinaison que l'acte sexuel, et qu'il faut coller les yeux au ciel pour voir, comme il faut coller le sexe au corps pour jouir, et les yeux sont comme un sexe qui ferait naître la lumière, autant que le sexe est comme des yeux qui feraient naître la jouissance, et c'est jouir jusqu'à faire jouir, comme c'est voir jusqu'à ce que le ciel s'enflamme, et lorsque l'autre corps atteint l'orgasme, c'est comme le ciel quand il fait jour, et faire jouir, c'est comme aller jusqu'à ouvrir les yeux, et dans la matière, tout est très long, le temps de pénétrer la chair et de jouir, c'est le temps d'ouvrir les yeux et de voir. Et nous pénétrons l'espace et nous voyons à une vitesse inouïe. Dans le jour des yeux, un sexe de nuit. Car, dans leur milieu, ce trou, avec tout autour ce qui fait le sens. Mais, dedans, dehors, il n'est pas de sens qu'un sexe ne puisse renverser pour changer de sexe. Ah oui, sûrement, oui. Oui. D'avoir deux sexes, bien sûr, oui, puisque... ce serait beaucoup plus simple, enfin, je veux dire que j'y verrais beaucoup mieux, d'ailleurs. Et, parce que tout le problème est là, c'est qu'on n'a qu'un sexe, c'est qu'on est démuni de l'autre. Pour toujours, enfin. Et je crois d'ailleurs que faire l'amour, c'est vraiment essayer de voir, enfin, de se munir de cet autre sexe. Il n'est pas de sens qu'un sexe ne puisse renverser pour changer de sexe. La vue fait le tour. Ce qui rentre sort. Et d'un bout du corps jusqu'à l'autre bord va le sexe-sens, qui tantôt visu et tantôt sexu, tout le L. Ce renversement s'écrit ici. Non avec des mots qui mots disent, mais avec des mots qui versent et inversent le mouvement incessant qu'alimente la coulée du sexe sang. Je pense que les oiseaux, d'ailleurs, n'ont pas de sexe. Enfin, si, ils ont un sexe, mais je crois qu'ils sont en train de perdre leur sexe. Enfin, je crois que les oiseaux, c'est une race comme ça qui... C'est quelque chose qui s'est échappé. Enfin, c'est quelque chose qui disparaît. Tout ce qui a des ailes est en train de disparaître, forcément, d'ailleurs. Donc, les oiseaux sont en train de perdre leur sexe. Donc, voler, ce serait perdre son sexe. D'ailleurs, si on n'avait plus de sexe, peut-être qu'on volerait. Enfin, on est sûrement tenu à la terre par le sexe. Et les yeux sont la chose comme ça qui nous permet de nous échapper. C'est les seules choses sur nous qui sont ouvertes, enfin, qui sont libres, en fait. Qui sont à vif, qui sont hors du corps, enfin, qui sont prêtes à disparaître, qui nous font disparaître d'ailleurs en même temps. Enfin, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a la mort. Enfin, le sexe donne la mort. Les yeux aussi. C'est très frappant de voir que les yeux, dans la problématique de parents, ne connaissent pas l'humidité. Je veux dire, donc c'est pas le siège des passions au sens pascalien et psychologiste. Le problème de parents, ça semble être plutôt le sec. Et le sexe est donc un rapport à la terre, à la boule enfin, bon, à la terre, et à l'enfouissement de l'œil dans la terre. Alors bon, je ne vais pas vous faire le coup de l'œil de Caïn, mais il y a quelque chose comme ça, l'enfouissement de l'œil dans la terre, de la chair de l'œil dans la boule de la terre, et ce rapport de l'enfouissement à la terre, c'est évidemment un rapport au feu, enfin un rapport à la destruction, et évidemment, sans doute, l'instance même de la pulsion de mort, le fait que la chair aussi bien que la terre, la boule et le texte qui la parle, qui la soutient, qui la renvoie, tout cela c'est menacé de réduction en cendres. On retrouve là aussi un rapport très important, mythologique, entre l'eau et le feu, qui est un rapport plutôt aztèque, enfin l'eau et le feu, l'oiseau, l'eau de feu, l'oiseau Quetzalcoatl, etc. Mais dans un rapport mortel. Alors là, sous peine d'esthétisme, je vais quand même citer un poème que j'aime beaucoup, c'est un sonnet de Saint-Amand, et ça s'appelle « L'été de Rome ». Alors, Saint-Amand donc se trouve à Rome, et puis il fait très très chaud, alors il voit que tout est aride, tout est en feu, la terre est en feu, etc. Et la fin du sonnet est assez éblouissante. Il parle du Tibre. Tous les fleuves à l'époque étaient symbolisés par un personnage qui tenait une cruche, d'où s'échappait le fleuve, et le rapport de l'eau au soleil et à la chaleur se fait en termes de feu. Et le vase natal d'où s'écoulent ses eaux sera l'urne funèbre où renaîtra sa cendre. Mais on peut voir vraiment comme un film qu'on remet à l'envers, le fleuve retourner au vase natal qui devient l'urne funèbre et l'eau redevenir cendre. Eh bien je crois que le rapport de l'eau ou l'absence de toute problématique de l'humidité dans les boules de parents, c'est vraiment l'instance même de la cendre, du feu de la destruction. Je veux dire évidemment que tout ça est soutenu profondément par la pulsion de mort. Alors il est frappant de voir que l'instance donc hermaphrodite de ce travail en commun, travaillée lui-même par la question de la mort, et trouve son revers dans celle de l'amour, vraiment, dans la répétition du « je t'aime », dans la façon dont les horloges d'amour marquent un temps vraiment infini, comme l'entretien ou comme le texte de Jean-Luc, et que l'amour c'est vraiment... Il vit vraiment d'amour et d'eau fraîche. Apprécier, comme dit Dumas, les mamelles de cette féconde Isis qu'on appelle l'amour. Jeudi 19 août 1976. Dans la maison. Toi, dans ton bureau. Moi, dans la cuisine. Je fais la vaisselle. Je t'embrasse. Là, là, là, là, là, là. Sur les joues. Là, là, là, là. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et ne plus pouvoir ouvrir les yeux ne serait rien à côté de ce que serait ne plus pouvoir les fermer. Et être sans cesse voyant serait beaucoup plus terrible que d'être sans cesse aveugle. Comme ne plus pouvoir entrer en la chair ne serait rien à côté de ce que serait ne plus pouvoir en sortir. Et être sans cesse jouissant serait beaucoup plus terrible que de ne plus pouvoir jouir. Et la lumière est beaucoup plus douloureuse que l'obscurité, car nous ne connaissons pas le feu et le jour. Nous venons de la chair et de la nuit. Nous ne faisons que passer tout autour du soleil avant de disparaître dans la terre. Et nos yeux ne sont là qu'en passant. Jamais nous ne pourrons nous y habituer. C'est pourquoi nous pourrions être aveugles et perdre le soleil, mais que nous ne pourrions pas être voyants et en perdre la terre. Et sans paupières, nous ne pourrions pas vivre sans ne plus savoir où nous allons, car nous aurions perdu la nuit et du même coup la terre. Et la nuit donne un sens à notre vie, car elle nous montre le chemin pour aller dans la terre. Et nous pourrions perdre le soleil, mais pas la terre, comme nous pourrions perdre nos yeux, mais pas notre sexe, perdre le jour, mais pas la nuit. Et il est beaucoup plus concevable de ne plus pouvoir voir que de ne plus pouvoir jouir. Et perdre ses yeux, ce serait perdre la vie en eux, mais perdre son sexe ce serait perdre la mort en lui. Et nous sommes arrivés avec la chair et la nuit, avec la terre et un sexe, et nous repartirons avec eux empreints de l'image du feu et du jour, du soleil et des yeux, et la chair portera la marque du feu et la nuit celle du jour, et la terre ne pourra plus être sans le soleil et le sexe sans les yeux, et le sexe est aussi vieux que l'homme, mais nos yeux ont notre âge, ils seront toujours si récents que nous ne saurons jamais nous en servir, car les yeux dans le soleil devraient pouvoir procréer dans le feu, comme le sexe sur la terre procrée dans la chair, et nous ne savons pas voir comme nous savons jouir. Sinon, voyant, pénétrant le ciel de nos yeux, nous finirions par faire surgir d'autres yeux dans le soleil, comme aveugle, pénétrant le corps de notre sexe, nous faisons surgir d'autres sexes sur la terre. Et nous voyons, mais nous essayons de nous accoupler avec le feu, d'y voir jusqu'à ce que nos yeux deviennent enceints de la lumière, et qu'ils puissent s'ouvrir jusqu'à en faire surgir des ailes, et que des êtres nouveaux peuplent le ciel et nous perpétuent dans le soleil. Et le sexe a été des yeux, et ses yeux ont en vue qu'ils se sont écartés jusqu'à pouvoir toucher la chair, et de devenir enceint de l'obscurité, faisant alors surgir le sexe que les êtres que nous sommes ont porté, peuplant ainsi la terre, nous perpétuant en elle. Et c'est au moyen du sexe que nous pouvons nous prolonger dans le temps. Et le sexe sillonne le temps du début à sa fin. Et sans lui, ce n'est pas que nous ne nous serions pas conservés et que nous aurions disparu, mais c'est que nous n'aurions jamais existé sur la terre. Et quand nos yeux auront fait surgir leurs ailes, nous vivrons sur le soleil. Et c'est que nous aurons quitté la terre et que nous aurons perdu notre sexe et que nous n'aurons plus besoin de nous reproduire, comme si l'être ailé ne pouvait pas mourir, et qu'en les yeux il y avait la vie éternelle. Et si nous pouvons mourir, c'est parce que nous sommes sexués, et qu'en le sexe il y a la mort, parce que par lui nous pouvons nous reproduire, et qu'en lui il y a la terre et que la terre est morte. Mais notre sexe est comme des ailes pour parcourir la matière, et l'orgasme est comme un vol à travers la chair, et nous jouissons mais nous volons, et c'est seulement parce que nous vivons maintenant sur la terre qu'elle s'est éteinte, et que notre vol n'est plus qu'un rampement sans fin tout autour d'elle. Mais la terre est un soleil qui s'est éteint après avoir brûlé nos ailes, ne nous laissant qu'un sexe en échange, seule trace de notre brûlure, et nous sommes arrivés avec des ailes sous le ventre, et nous repartirons avec des ailes sous le front, et sous notre ventre il y a eu des yeux, et sous notre front un sexe, et nous vivions sur le soleil que la terre alors éclairait. Mais le soleil alors éteint s'est allumé lorsque des ailes ont surgi de nos yeux sous notre ventre, et notre sexe sous notre front est tombé, et le corps s'est envolé vers la terre qui s'est éteinte, et dans ce renversement prodigieux, le corps du même coup s'est retourné, allumant le haut, éteignant le bas, et nous repartirons vers le soleil lorsque nos yeux auront éclaté jusqu'à faire surgir des ailes, et la terre s'allumera, notre sexe tombera, et nous roulerons dans l'espace jusqu'à ce que le soleil s'éteigne, et nous plongerons dans ses cendres jusqu'à nous poser sur la tête, et que les bras soient les jambes et les jambes les bras, et nous ferons ainsi infiniment le trajet entre la terre et le soleil, entre le soleil et la terre, et nous n'irons jamais plus loin que de la tête aux pieds et des pieds à la tête, et la terre s'allumera et les yeux s'éteindront, et du même coup le soleil s'éteindra et le sexe s'allumera, tout se renversera, et nous avons des yeux pour le soleil, mais tous deux s'éteindront jusqu'à ce que les yeux deviennent un sexe et le soleil une terre, et nous avons un sexe pour la terre, mais tous deux s'allumeront jusqu'à ce que le sexe devienne des yeux et la terre un soleil, et nous ne serons jamais qu'en train de faire la navette de bas en haut et de haut en bas, de faire passer le haut en bas et le bas en haut, de jouer avec la terre et le soleil, avec notre sexe et nos yeux, de déplacer des pions dans le vide. Et nous voyons et nous jouissons, mais nous sommes sans cesse en train d'essayer d'éteindre le soleil et de jouir par les yeux, d'allumer la terre et de voir par le sexe, de tout inverser dans l'univers, et nous portons la nuit en nous, et nous la contenons en la naissance et en la mort, et entre deux il n'y a que le soleil. C'est pourquoi la vie ne semble s'écouler que pendant le jour, et que nous ne pourrions pas rester les yeux ouverts sans en perdre les raisons mêmes de notre existence. Et ce n'est pas la nuit qui nous fait peur, mais la nuit en le jour, et nous nous accoutumerions beaucoup plus vite à une nuit sans fin qu'à un jour continue, parce que l'espace défini de la vie n'est qu'un vol très rapide dans la lumière qui sépare l'obscurité infinie de la naissance à l'obscurité infinie de la mort. Et si nous pouvions rester les yeux fermés, nous serions en même temps et à la fois aussi près de notre commencement que de notre fin, et c'est que nous pourrions rester immobiles au-dessus du temps. Et si nous ne pouvons pas ne pas lever les paupières, c'est parce que nous sommes nés que nous allons vers la mort, et que seulement la lumière peut nous en approcher, car sans elle la terre ne tournerait pas et nous ne pourrions pas avancer, et que c'est seulement son mouvement qui nous y mène en nous faisant tourner à toute vitesse. Et la vue ne serait que l'image de l'espace qu'il y aurait entre la naissance et la mort, un espace invisible et intouchable qui séparerait le début de la fin en un vol insaisissable dans l'infini. Et tout ce qui est ailé est toujours sur ses pattes et ne peut pas s'allonger, et il est impossible de concevoir un oiseau couché sans le voir mort. Et si nous avions des ailes, nous dormirions debout ou accroupis, mais toujours en appui sur nos jambes. Et tout ce qui est ailé ne peut toucher le sol que de ses pieds et ne peut pas le toucher de tout son corps sans être mort. Et si nous le pouvons, c'est parce que nous ne pouvons pas voler, et que n'ayant pas d'ailes, il nous est toujours possible de ramper, et nous ne tenons sur nos jambes que grâce aux ailes que nous donnent nos yeux ouverts. Et si la vue nous fait nous lever, et que c'est debout que nous voyons, c'est parce que les paupières levées sont comme des ailes, et la vue est quelque chose de vertical, comme le toucher est quelque chose d'horizontal, et les yeux sont toujours debout, comme les mains sont toujours couchées. Et si tout ce qui est ailé ne peut pas s'allonger, c'est parce que ces ailes sont comme des yeux qui ne pourraient pas se fermer, et que les ailes sont des yeux qui se sont développés jusqu'à devenir touchables, faisant naître une vue en chair et en os. Et les ailes ne sont rien d'autre que la vue intégrée au corps, une vue en muscle dans laquelle passe tout le sang du corps. Et les ailes sont la vue invisible et intouchable, et volant comme voyant, nous ne pourrions pas tomber. Et si nous avions des ailes, nous ne pourrions plus nous allonger sans fermer les yeux pour toujours. Et si tout ce qui est ailé ne peut pas se coucher, c'est parce qu'il voit sans cesse autant les yeux fermés que les yeux ouverts, et que la vue tient le corps sur ses jambes, parce que le soleil est au-dessus de lui et le maintient en équilibre, comme s'il l'aimantait, le relevant à peine il apparaissait dans le ciel. Et il y a eu des êtres sans sexe qui ne jouissaient qu'avec leurs bras et leurs mains, comme nous ne voyons qu'avec nos yeux. Et le sexe, c'est le toucher intégré au corps, le plaisir que le sang inonde. Et jouir, c'est comme voler, et nous ne voyons pas plus sans ailes que nous jouirions sans sexe. Et les oiseaux ne peuvent plus ramper parce qu'ils ne peuvent plus être aveugles. C'est pourquoi lorsqu'ils sont allongés, ils sont morts, et les ailes sont une vue permanente, une voyance incessante, comme l'est la pensée. Et si nous pouvions plus ne plus penser, c'est que nous n'aurions pas Dieu. Et les yeux sont la pensée intégrée au corps, une pensée dans laquelle le sang circule comme des ailes en serait l'incessante vue qu'il projette. Et nous verrions autant la nuit que le jour. Et le sexe se dresse jouissant, comme les ailes se déploient volant. Et les ailes se replient comme les paupières se baissent. Et le déploiement des ailes augmente le volume du corps comme l'ouverture des yeux. Et les ailes donnent toujours l'impression d'une voyance, comme les yeux celle d'une pensée, ou comme le sexe celle d'un toucher. Et si jouissant le sexe est debout, c'est parce que nous sommes sous le soleil et que nous vivons de lui, et que depuis la vue s'est installée partout, mais que le sexe n'est que debout, couché, voyant, aveugle, comme la terre est toujours nuit et jour, et tout ce qui est ailé ne vient s'allonger au sol que pour y mourir, comme si une fois échappé dans le ciel, nous ne pourrions pas revenir à terre sans trouver la mort. Et si nous volions, nous ne pourrions plus ramper sans nous figer à jamais, et nous volerons seulement quand nous allongeons, nous ne pourrons plus nous relever, et tout ce qui est ailé meurt de se trouver allongé sur le dos, sans pouvoir se retourner sur ses pieds. Et le vol, c'est quelque chose qui ne permet plus d'être allongé et d'y voir encore. Et pouvoir voler, ce serait avoir quitté la terre, jusqu'à ne plus pouvoir faire corps avec elle sans être mort. Et tant que nous ne pourrons pas dormir debout, nous ne pourrons pas nous envoler. Et il faut rester debout et ne s'allonger que mort. Et tant que nous ne pourrons pas tenir en équilibre sur nos jambes, les yeux fermés, nous ne pourrons pas nous échapper dans l'infini. Et si nous pouvions nous envoler, c'est que dans l'obscurité totale, nous tiendrions debout, et que la lumière ne serait plus nécessaire pour avancer, comme si des ailes pourraient remplacer le soleil. Et tout ce qui est ailé porte le feu sur ses épaules. C'est pourquoi tout ce qui vole ne peut plus s'allonger et ne tient que sur ses pieds. Et s'allonger sur la terre ailée serait s'allonger dans le ciel sans ailes. Et ramper ailé serait voler sans ailes. Et une chute dans le vide n'est pas plus terrible que le rampement d'un oiseau sur le dos. Et si ailé, nous tombions couchés à terre, nous tomberions comme dans le vide. Et si nous pouvions voler, la terre serait une surface sur laquelle, vivant, nous ne pourrions prendre appui que sur deux pieds. Comme voyant, le ciel est un espace dans lequel nous ne pouvons prendre appui que des deux yeux. Et voyant, nous ne tenons dans le ciel que par les yeux. Autant que volant, nous ne tiendrions sur la terre que par les pieds. Et nous laissons des traces d'yeux dans le vide, comme nous laisserions des traces de pieds sur la terre. Et si nous ne pouvons pas nous coucher dans le ciel, comme volant, nous ne pourrions pas nous coucher sur la terre. C'est parce que nous avons un sexe et que ailé, nous n'en aurions plus. Et une fois ailé, nous ne pourrons plus toucher ni nous accoupler, car le vol est le degré suprême de la vue et par là du toucher. Et que si voyant, les yeux ne touchent à rien et que nous ne touchons plus à rien, c'est parce que les yeux s'étreignent avec le ciel et jouissent en la vue, et que nous jouissons par eux. Et lorsque nous nous envolerons, l'espèce humaine disparaîtra, car nous ne pourrons plus nous reproduire, et nous partirons non seulement sans le sexe, mais aussi sans les yeux, car pouvoir les ouvrir et les fermer serait toujours être rampant, et nous fuirons asexués et aveugles, mais ailés, comme pouvant tout pénétrer de nos ailes, du vide à la matière, comme dans une interminable jouissance et voyance, volant mais éjaculant sans cesse dans un écarquillement infini. Et nous voyons et nous jouissons, mais nous cherchons en les yeux et le sexe qu'à disparaître, car un certain accouplement entre les deux engendre des ailes, et que la vue et le toucher sont deux pôles qui, mis en contact, font naître le vol, et que voler se trouve dans le nœud que formerait l'assemblage de voir et de jouir, et que jouissant, voyant, des ailes finiront par surgir de notre corps, et que si l'on pouvait jouir et voir jusqu'à en perdre son sexe et ses yeux, l'on s'envolerait, et jouir jusqu'à laisser son sexe dans la chair, voir jusqu'à laisser ses yeux dans le feu, et les oiseaux disparaîtront, car ne pouvant s'allonger, leur sexe finira par tomber, et avoir des ailes, c'est être au point de disparaître, c'est avoir pris fin. Le vol préfigure la mort d'une espèce ou la naissance d'être unique et éternel. Et tant que nous ne pourrons pas voler, nous ne pourrons pas disparaître, car nous pourrons toujours nous toucher et nous refaire sur la terre. Et si nous pouvions nous envoler, nous serions brusquement seuls, irreproduisibles, uniques dans l'univers, et le vol empêche tout attouchement. C'est pourquoi les oiseaux ne peuvent pas se coucher au sol et ne se touchent juste que pour s'accoupler, et la terre n'est qu'un lieu pour faire l'amour et s'y reproduire pour mourir. Et si nous n'étions pas semblables les uns aux autres, si nous n'avions aucun lien entre nous, c'est que nous volerions et que nous ne pourrions pas mourir. Et entre les animaux et les hommes, la mort n'existe pas, parce qu'ils ne peuvent pas se reproduire ensemble, et qu'entre eux, ils ont comme des ailes qui les font immortels. Et la mort n'existe qu'entre les couples, et inventer un être qui n'existe pas et le faire voler sans yeux, sans sexe. Et notre existence est temporelle parce que nous n'avons pas d'ailes, et le sexe a transformé les ailes en yeux, et les yeux sont comme des ailes empreintes d'un sexe, et avoir des ailes serait ne pas avoir avoir de sexe autant que avoir des yeux, c'est avoir un sexe. Et les yeux sont des ailes que le sexe, nous maintenant à terre, a rendues invisibles dans l'espace. Et le sexe cache les ailes, la jouissance dissimule le vol. Le sexe est plein d'yeux, les yeux pleins du sexe, les yeux volent mais ne nous quittent pas. Le plaisir a transformé le vol en la vue. Au bout du sexe, il y a nos deux yeux qui tirent sur nos ailes. Nous jouissons, mais c'est pour nous multiplier en fermant les yeux et nous reconnaître sur la terre afin de nous empêcher de nous envoler. Et sans le sexe, nous serions partis avec nos yeux, comme si tout le poids de notre corps s'était concentré en lui et que l'apparition de notre sexe avait comme jeté l'ancre à terre. Et nous voyons pour nous toucher, sinon nous volerions intouchables et nous nous accouplons nous touchant jusqu'à nous modeler en un autre devant nous. Mais nous mourrons de pouvoir nous introduire dans les corps et nous mourrons d'y être nés. Et si nous ne pouvions pas nous pénétrer, si le sexe de la femme se refermait à jamais, celui de l'homme finirait par disparaître et nous aurions l'impression de ne plus pouvoir entrer dans le monde. La terre s'échapperait sous nos pieds, le soleil sous nos yeux. Nous ne pourrions plus toucher, ni voir, ni fermer les yeux, ni les ouvrir. Nous perdrions l'obscurité, la lumière, la mesure de la durée. Et ne pouvant plus nous reproduire, le corps de chacun se transformerait jusqu'à ce que nous ne puissions plus nous identifier les uns des autres. Et nous serions tous d'une race différente. Mais ne pouvant plus nous toucher, nous aurions tous des ailes pour voler à travers le temps. Et le sexe femelle est le trou d'où nous sortons tous. S'il venait à se boucher, si les lèvres se cicatrisaient, tout se recoudrait. Et nous ne pourrions plus entrer nulle part. Et nous serions bloqués en nous, y volant, parcourant notre sang, notre chair et nos os, allant au fond de notre cerveau, tournoyant dans nos orbites, plongeant jusqu'à nos pieds, planant jusqu'au bout de nos doigts, de nos mains, dont les bras enlaceraient l'infini. Et nous explorerions la vie comme en une mort sans fin. Et si les yeux sont notre cerveau au dehors, le sexe en est notre chair, et nous ne pouvons penser et jouir que parce que le cerveau et la chair ont réussi à sortir à l'extérieur, envahissant l'espace et la matière. C'est ainsi que nous pouvons voir et toucher ce qui nous entoure, et les yeux sont les seules parties de nous qui brûlent sans cesse. C'est pourquoi, sans l'air tout autour, ils s'éteindraient après que le soleil se soit éteint, comme le sexe est la seule partie de nous qui est sans cesse éteinte et qui a besoin de la matière, car sinon ils s'allumeraient après avoir allumé la terre. Et les yeux sont en train de devenir palpables. Ils ne sont des yeux que parce qu'ils ne sont qu'un sexe qui brûle encore. Ils voient, mais le fluide insaisissable qu'ils projettent voyant n'est que du sperme consumé qui se désagrège au contact de l'air, et que, éjaculant dans l'espace, nous risquions toujours d'y voir, et que sans la matière nous prendrions feu entre les jambes, comme sans l'espace nous nous éteindrions entre les bras. Et les yeux ne sont qu'un sexe qui jouit, que la présence du soleil au-dessus de nous maintient dans la vue, comme le sexe n'est que des yeux qui voient, que la présence de la terre au-dessous de nous maintient dans le plaisir. Et nous jouissons par les yeux en la vue, comme nous voyons par le sexe en la jouissance. Et si le soleil disparaissait, seule la terre pourrait le remplacer, faisant passer du même coup le soleil disparu sous nos pieds, car la lumière ne pourrait faire place qu'à l'obscurité, et l'obscurité qu'à la lumière, et une tête pousserait entre nos jambes, un sexe entre nos bras, et nous avancerions sur les mains, touchant avec les pieds, et nous ne pourrons jamais aller plus loin que sur le soleil et retrouver la terre, comme si nous ne pouvions faire que des pirouettes sur nous-mêmes dans l'univers, et que toute distance parcourue ne pouvait finalement, même infinie, que nous retourner de la tête aux pieds, et que du passage de l'endroit à l'envers s'inscrivait un espace sans fin, et qu'une calipette sur nous-mêmes nous faisait parcourir une distance tout aussi grande qu'un saut jusqu'au soleil. Et ce qui différencie les yeux du sexe n'est dû qu'à l'emplacement de chacun sur le corps par rapport au soleil et à la terre. Sans eux, les yeux et le sexe ne seraient ni des yeux ni un sexe, mais deux organes semblables qui ne pourraient pas se distinguer l'un de l'autre que de la droite ou de la gauche, comme deux mains ou deux pieds. Et nos yeux et notre sexe ne sont qu'une paire d'un même organe que la lumière et l'obscurité ont séparé en la vue et le toucher, donnant à chacun une fonction opposée en voir et jouir. C'est pourquoi les yeux sont visibles et le sexe touchable, et que voyant nous jouissons toujours, et que jouissant nous y voyons encore. Et dans les yeux, il y a la marque du sexe, comme dans le sexe, il y a la marque des yeux. Et le soleil, en la vue, éblouit le sexe, comme la terre, en le plaisir, aveugle les yeux. Et si nous ne voyons pas le sexe dans les yeux, c'est parce que le sexe est caché au fond des yeux, invisible dans la nuit et ne peut apparaître dans le jour à travers une matière intouchable. Comme nous ne voyons pas les yeux dans le sexe, parce que les yeux sont cachés au fond du sexe, visibles dans le jour et ne peuvent apparaître dans la nuit à travers une matière palpable. Et dans nos yeux visibles, il y a notre sexe invisible, comme dans notre sexe touchable, il y a nos yeux intouchables. Et sans le soleil, les yeux seraient un sexe, et sans la terre, le sexe serait des yeux. Mais sans la terre et sans le soleil, les yeux et le sexe ne seraient qu'une paire d'ailes pour voir sans yeux et jouir sans sexe. Et nous voyons les yeux, mais nous ne voyons pas que le sexe. Et nous touchons le sexe, mais nous ne touchons pas que les yeux. Et nos yeux dans les yeux ne cherchent que le sexe, et notre sexe dans le sexe ne cherche que les yeux. Et nous voyons parce que nous ne pouvons pas voir le sexe, et nous jouissons parce que nous ne pouvons pas toucher les yeux. Et si nous pouvions voir le sexe dans les yeux, nous ne verrions pas. Comme si nous pouvions toucher les yeux dans le sexe, nous ne jouirions pas. Et la vue n'est due qu'au sexe qui se cache dans les yeux, comme le plaisir n'est dû qu'aux yeux qui se cachent dans le sexe. Et voir le sexe, c'est avoir aveuglé les yeux, comme toucher les yeux, c'est avoir ébloui le sexe. Et nous voyons jusqu'à ne plus pouvoir y voir, comme nous jouissons jusqu'à ne plus pouvoir toucher. Et au fond de la vue, il y a le sexe que l'on peut toucher, comme au fond du plaisir, il y a les yeux que l'on peut voir. Et nous voyons pour toucher, et nous jouissons pour voir. Et le toucher n'est qu'une vue dont la portée fait le tour de la terre, comme la vue n'est qu'un toucher dont la portée fait le tour du soleil. Et nous pouvons toucher notre sexe parce que nous ne pouvons pas toucher nos yeux, et nous ne pouvons pas voir nos yeux parce que nous pouvons voir notre sexe. Ou si nous les voyons, c'est que nous ne pouvons plus voir notre sexe, comme si voyant les yeux des autres, nous ne pouvions pas être voyants de leur sexe, et que c'était toujours soit leurs yeux, soit leur sexe, mais que jamais les yeux n'étaient visibles si le sexe l'était, les yeux étant visibles dans le sexe, et que jamais le sexe n'était touchable si les yeux ne l'étaient pas, le sexe étant touchable dans les yeux. Et nous voyons, mais par-delà nos yeux ouverts, nous ne tendons dans le soleil que l'obscurité de notre corps, et dans tous les sexes, notre sexe a touché, et nous jouissons, mais par-delà notre sexe, nous ne projetons dans la terre que la lumière de notre corps, et dans tous les yeux, nos yeux à voir, et de l'autre côté de nos yeux intouchables, il y a notre sexe touchable, comme de l'autre côté de la terre, il y a la nuit, et au fond de notre sexe, il y a nos yeux, comme au fond de la terre, il y a le feu, et nous ouvrons les yeux et nous faisons pivoter notre sexe de l'autre côté de la terre, c'est ainsi que nous pouvons voir, et nous nous accouplons et nous enfonçons nos yeux dans le globe, c'est ainsi que nous pouvons jouir, et nous ne voyons que lorsque notre sexe a sauté la ligne d'horizon, comme nous ne jouissons que lorsque nos yeux ont atteint le centre de la terre. Et c'est seulement quand nous sommes dans la nuit que la vue se déclenche, comme c'est seulement quand nous sommes dans le jour que le plaisir naît, et projeter son sexe dans l'espace jusqu'à voir, projeter ses yeux dans la matière jusqu'à jouir, faire voler son sexe dans le ciel, faire ramper ses yeux dans la terre, aller jusqu'à se déchirer la peau de la tête, la peau entre les jambes, et inonder le vide de son sang, traverser le plein de sa chair, faire déborder le ciel, trouer la terre jusqu'à ce que la lumière pénètre toute l'obscurité, et que l'obscurité pénètre toute la lumière, et que le soleil empiète sur la terre et la terre sur le soleil, et que nous ne puissions plus distinguer le jour de la nuit, l'espace de la matière, les yeux du sexe, volant, rampant, voyant, aveugle dans un même mouvement au même moment. Tout commentaire lui-même apparaît comme une espèce de brouillard et de brouillage. C'est absurde, ça n'a pas de sens. C'est rond, ça. Je ne dirais pas que c'est illisible, non pas parce qu'il n'y a rien à lire, mais parce que. Un reste, c'est-à-dire un étron sur la page. Oui. Notre tête a bouffé les mots. Elle est aussi la blessure ouverte de notre infinité. Imaginez seulement ce panier Dieu. Oui. Attendu, naturellement, qu'il ne faut pas mettre tous les yeux dans le même panier. Qu'est-ce que la scie ? Et puis un beau jour, je ne pourrai plus entrer chez moi. Oui. Parent, il sera avec ses boules. Par les petits fils qui dépassent, on marque ainsi l'entrée du labyrinthe. Ce trou, avec tout autour ce qui fait le sens. Ce que je peux dire actuellement de leur travail, finalement, est très maladroit, mais nécessairement, et à la limite, risque d'être très malhonnête, et dans le fond, ne fait que tenter de combler un silence. C'est un silence un peu stupéfait, on n'en revient pas. On arrive très mal à comprendre comment, aujourd'hui, deux personnes peuvent, comme ça, dans leur petit coin, s'adonner indéfiniment à fabriquer des boules, à fabriquer des textes, à dessiner. Il n'y a plus rien à dire, à la limite, et on ne peut que regarder, on ne peut qu'essayer d'explorer ces dessins et ces boules et ces textes. On ne peut que les retourner dans tous les sens, que les caresser, que les examiner. Mais, à la limite, en rompant ce silence, on rompt le rapport privilégié qu'ils instituent avec nous. Et c'est là que ça ne va plus. Enfin, c'est là que la culture reprend ses droits, en quelque sorte. Vol d'oiseau, c'est pas tellement loin. Les Pyrénées. ACR, Atelier de création radiophonique. Atelier de création radiophonique. Transparent. Par René Farabé. Assisté de Marie-Dominique Arrigui, Marie-Ange Garandeau, Claude Giovannetti, Viviane Vandenbroek. Collaboration technique, Monique Burguière, Yann Parentouet. Le 9 octobre 1964, Jean-Luc et Titi s'embrasser pour la première fois sur la bouche. Jean-Luc Parent, La joie des yeux, recette pour faire des boules, journal du bout des bordes. Titi, horloge d'amour. Alain Borer, Michel Butor, Michel Camus, Jean Clarbou, Gérard Durosoy, Patrick Garcia, Jean-Marie Le Sidaner, Bernard Noël, Georges Rayard, Michel Sicard, Michel Vacher. Barthes, Dubuffet, Velter, Duo, Lascaux. Jean-Luc, Titi, Marisol, Sibylle, Quéquette, Loriot. Trans Parent. Jean-Luc Parent, septembre 77, recette pour faire des boules, atelier des grammes. Octobre 77, journal du bout des bordes numéro 3, La joie des yeux, Christian Bourgois, éditeur. 9 novembre 77, Jean-Luc, lecture de La joie des yeux à la chasse au snark. Titi, exposition de dessin, galerie oblique. Cette émission a été diffusée la première fois le 9 octobre 1977 sur France Culture. Téléchargement et réécoute à la page des nuits sur le site franceculture.fr.